Allez, bonsoir à tous et bienvenue aux Wires. Ce soir, autour des micros, on a Adrien. Bonsoir. Mehdi. Bonsoir. Romain. Enchanté. Et il se souvient plus de mon prénom. Et Anthony. J'avais pas entendu le salut de Romain, j'attendais. Enchanté. J'avais pas entendu. Le mec a pas envie d'être poli avec les auditeurs. Bah si, je dis enchanté. Je suis ravi. Vous êtes pas ravi? Vous dites bonsoir. Vous êtes pas ravi? Je suis ravi. C'est sûr, on est tous ravis d'être là. Moi, je suis ravi. Même moi, plus que vous. Vos gueules. Je vous demande pas si vous allez bien, je le sais. Ça va super bien. En plus, les auditeurs ne vous connaissent pas encore, donc ils s'en tapent. En plus, ils sont 4. Voilà, enfin, 5. Voilà, on est que 5. Ils sont 5 et c'est nous. Donc, pas de problème. J'explique juste le principe des Wires. Wires, pourquoi? C'est parce que c'est la génération Y. C'est nous. Grosso modo, on est tous nés entre les années 80 et la fin des années 90. Tout à fait. Bon, Anthony, ouais, petite exception, c'est le plus vieux. Et le plus jeune, là, je crois que c'est Romain. Je crois que c'est Romain. C'est Romain le 80, plus jeune. Oui, mais c'est quand même 95, c'est avant la fin des années 90. Ça marche quand même. Vous me saoulez. On a tous connu les minicums. Alors, j'ai jamais regardé, mais je j'étais là, quoi. Moi, j'étais déjà trop vieux, moi. Je connais un petit peu les chansons. C'est plus ou moins terminé quand nous, on est arrivés. Mais on a connu. On a tous connu Midi les Zouzous. Oui. Bon, ça, voilà, on est d'accord, donc ouais. On est tous. C'est le critère. Voilà, c'est le critère principal, voilà. J'étais au lycée, mais sinon ça va. Hein. Mais tu regardais. Ouais, genre, regardais Olivier Tom, attends, tu regardais. Oui, voilà. Alors, on va commencer la première partie de cette émission. C'est une rubrique tout simplement de questions-réponses. Des questions sur l'actu, sur la culture, un petit peu d'infos. Ça fait pas de mal, hein. On est parti pour la première question. Je suis chaud là. L'important, vous savez, dans la vie, c'est de gagner. C'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Oh. On s'en fout de la réponse. Enfin, c'est beau ce qu'il dit. Très bien. J'ai éjaculé. Ouais. Si je me permets. C'est la puissance de l'amitié. Allez, c'est parti. Première petite question. Le 21 août 2017, qui a regardé directement le soleil avant de se faire rappeler à l'ordre? Trump. C'était beaucoup trop rapide. Ouais, mais je suis actuel, oui. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est bien. Bah, j'avais, mais parce qu'il y a aussi un rappeur qui a fait ça. C'était Joey Badass, tout à fait. Il a annulé trois concerts après. Il est con. Il a annulé tout le reste de ses concerts parce qu'il avait. Est-ce qu'on vient de te niquer ton émission? Non, non, tout à fait. La question d'après, lui, c'était volontairement pour dire qu'il était badass. Et du coup, il a regretté. Non, il est badass, mais aveugle. Très bien. Il est badass, mais avec 8 achats. Badass blind. Il est juste con, il est pas badass. C'est blindass. Il ignorait le concept. C'est un cul qui voit rien. Donc effectivement, c'était bien Donald Trump qui a regardé sur son balcon directement le soleil comme un con avant que son assistant lui dise ne regardez pas. Mais y a pas ça. Alors il l'a pas dit comme ça parce qu'il l'a dit en anglais. Sinon, see the moon. Le soleil, non. Mais heureusement que si. C'est en pleine parce que c'était une éclipse. C'était une éclipse, tout à fait. Ouais, alors petit pouce en l'air pour un journaliste de Vice qui avait posté le matin même sur Twitter, j'attends avec impatience la photo virale de Donald Trump regardant directement l'éclipse en plissant les yeux. Il a le matin même. Trop bravo. Fort. Il s'appelait Jules. Ah Jules, je connais. Jules. De Vice. Ouais. Très bien. Ouais. Ouais, tu peux le. J'étais au collège. Tu peux le suivre aussi. Bah tu. Vice version américaine. Hein. Tu peux lui faire des bisous. Mm-hmm. C'était Jules. D'accord. Jules. Il s'appelle l'OVNI maintenant. Ça se tient. Allez, on continue. Deuxième question, donc en rapport avec la première. L'éclipse qui a eu, c'était une éclipse solaire ou une éclipse lunaire? Lunaire. Solaire. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui dise une connerie. Hein. Je sais pas, c'est solaire. Ouais, quand on c'est voit Anthony, pas c'est une éclipse solaire. Pourquoi? Tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que la Lune est au milieu. C'est ça. Tout du à coup, fait. Alors, je baise ma après, mère. Après, voilà, la Terre est plate. Donc, paternelle. Du coup, c'est. Parce que mon père est au milieu. Ça n'a pas de sens. Non, c'est bien ça. L'éclipse solaire, c'est quand la Lune vient se passer devant le Soleil, donc entre le Soleil et la Terre. Alors que l'éclipse lunaire, c'est la Terre qui se passe entre le Soleil et la Lune. Très bien. Oui, la différence. Tu pourras nous l'écrire? Je pourrais vous l'écrire, merci. Donc, le 21 août dernier, au niveau de l'éclipse. Hein, quoi? Il y a un con qui m'a dit que c'était une éclipse lunaire. Ah, c'est toi qui l'as dit là tout de suite que c'était une éclipse lunaire? Ouais, ouais, c'est toi le con. En fait, c'est ça. Oh, c'est ridicule. Ça. Oh, le mec. Naze. Moi aussi, j'ai espéré tenter. Alors, pour les petites infos, donc là, cette éclipse-là, elle a traversé tous les États-Unis d'est en ouest. Pas cool. Aux États-Unis, c'est cool, hein, on s'en fout un peu. Et la prochaine, c'est dans 100 ans ou 1000 ans? La prochaine, un truc comme ça. La prochaine pour nous, ce sera le 3 mars 2081. Ouais, c'est ça. Ah oui, un petit peu le temps. Mais difficile. Pour les États-Unis, je crois que c'était la première depuis au moins 100 ans. On a raté une vanne, je crois. Oh, on a raté la vanne. Merde, c'était quoi la vanne? Putain, on va mettre une webcam en fait. Ah là, ça tu prends combien? Oh, c'est bon, on est là. En chaîne. Et donc, c'était quoi la vanne? On a loupé la vanne. Non. Alors, racontez, ça va être une. Tu réécouteras et tu rigoleras de peut-être. Façon, ouais. Ou pas du tout. Donc voilà pour la prochaine éclipse qui aura lieu le 3 mars 2081. On sera vieux. On sera très vieux. Moi je serai. Toi tu seras mort. Peut-être mort. Je serai mort. Mais Trump sera plus président. Et Trump sera pour regarder le soleil. On s'en fout. Et tout Paris sera dans le noir. J'aurai pas loin de 100 ans, putain. Ouais. Et j'avais noté aussi parce que c'est très important. Du coup, je veux pas te tristesser, mais il y a. Ouais, je pense que. Ouais, je pense que. De toute façon, on sera mort. Donc j'avais noté aussi. Même si j'ai 100 ans, je serai aveugle. D'ici 10 milliards d'années, donc la Lune, parce que la Lune s'éloigne de plus en plus de la Terre, d'ici 10 milliards d'années, elle sera suffisamment loin pour ne plus tourner autour. Bah, elle est plate en plus. J'aime bien les histoires de Lune. Ouais, ouais. Tout à fait. Parce qu'il regarde beaucoup trop de lunes sur Internet. Faut se détendre. Allez. C'est bon. Oui, c'est bon, parti. Du coup, 10 milliards d'années. C'est très très drôle. J'espère que tu l'entendras quand tu réécouteras. C'était vraiment. Bah ouais, on attend. Ah, j'aurais pas parié sur un aussi gros pour rire, mais je suis très content. J'amplifierai le son quand tu sortiras la blague. D'accord, très bien. Non, mais c'est pas ouf. Hein, ça serait que tu vas faire. Pourtant, putain, ça a rigolé pour très, ça. Très drôle. Ce qui est bien, c'est que t'auras du taf au montage. Allez, on va enchaîner avec une toute petite citation. Qui a dit : je suis un cartésien désabusé. Je pense, donc je suis. Mais je m'en fous. Celui qui a joué l'idéal récemment, je sais plus comment il s'appelle. C'est The Rock, Gaspard Proust. Bien joué Romain, il est très fort. Oh, putain, Romain, j'étais pas loin. Numéro 1 sur les ça va beaucoup trop, ça va beaucoup trop vite. Ouais. Tu vois, mais moi j'ai du taf après, je t'ai dit il faut que ça. Donc c'est bien Gaspard Proust, hein, l'humoriste suisse. Slovéno-suisse. Ah, il est suisse ? Je croyais que tu étais français. Non, il est suisse. D'accord. Slovéno-suisse même, attention. Slovéno-suisse. Ouais, fais gaffe. Ouais, c'est pas la même chose. J'ai pas fait gaffe. Désolé. Qu'est-ce que l'hémétophobie, la peur dont souffre Scheim ? La peur du métal. Non. Les chanteurs de métal. Ce serait pas fait chier sur le nom là quand même. Elle a peur de tout ce qui est métal. Voilà. Elle a peur de la musique, c'est pour ça qu'elle en fait pas. Non. C'est ça ? Tout ce qui est émission, genre Wi-Fi, tout ça ? Non. Et elle en souffre vraiment ou c'est une blague par rapport à. Ah non, elle en souffre. En fait, c'est un vrai titre que j'ai trouvé sur internet. C'était vraiment ça le titre. Scheim. Qu'est-ce que l'hémétophobie ? La peur dont souffre Scheim. Ah d'accord. Elle a peur de serrer des mains. Non. C'était même sur le site de l'Express qui a publié ça le 2 août. Hémétophobie. Dernier. Elle a. Héméto. Je sais pas. De ouf. T'as pas fait elle la peur temps de la tomber temps amoureuse trop rapidement dans des relations. Non. Hémétophobie. Aimer trop vite. Non, c'est pas ça. Je sais pas du tout. En vrai, j'ai aucune idée. Elle a peur de se présenter en live et du coup, c'est chiant. Ah oui, les émissions. Non. Émissions de CO2, c'est peut-être. Pas ça. Elle a peur de chanter. Non. Bon, il faut essayer de trouver toutes les phobies. C'est une phobie, alors que. Alors je vais vous donner un petit indice. C'est, phobie de la bonne musique. C'est lié au. Du coup, ça va. C'est lié au corps quand même. Elle a peur de ses pieds. À une activité du corps. Elle a peur de ses règles. Non. De pisser. Non. De chier. Non. De suer. Non. De réfléchir. Elle a peur de mourir. Non. Mais t'étais pas très loin dans tout ça, hein. Vous pouvez donner des. Elle a peur de vomir. De vomir, ah, bonne réponse, Anthony. Ah, elle a peur de vomir. Bon, j'aurais pas dit hémétophobie, voilà. Moi, pour peur de vomir. Oui, grave. Et d'où ça vient, ça ? Ah, alors, ça vient du site de l'Express qui a publié ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pour faire du clic ? On peut dire que c'était pour faire du clic ? Pourquoi ? Qu'est-ce que l'hémétophobie, c'est intéressant ? Pourquoi Scheim en souffre ? On s'en fout. Elle a pas sorti un album ou un truc comme ça ? Non, je pense pas. Genre, non, c'est genre on parle de Scheim. Non, c'était voilà, c'est l'Express, hein, donc c'est le journalisme 2.0. Mais pourquoi l'Express, oui, parle de ça, on s'en fout. Il y avait peut-être des stagiaires, non ? Bonne question. Ça. Comme je me suis posé la question en lisant ça, je me suis dit, tiens, je vais mettre en question. D'accord. Il grimpe dans un tourniquet rouillé, ça tourne mal. C'est Trump. Amixem ? Non. Dans un tourniquet rouillé ? Il grimpe dans un tourniquet rouillé, ça tourne mal. Combini ? Non, c'est une personne. C'est une personne. Un youtubeur ? Il est pas youtubeur. Mais il publie beaucoup sur YouTube quand même. Jacques Chirac. C'était sur son compte Twitter. Ah mais j'ai pas Twitter, mais du coup c'est chiant. Non plus. Il a pas sa chaîne YouTube, mais il fait des vidéos pour YouTube. Il a pas sa chaîne. Il fait des vidéos. Il a pas de chaîne. Bon Adrien, je suis sûr que tu le connais. Adrien réfléchis là. Je le connais. Il est pas YouTuber, mais il bosse pour YouTube. Il travaille pour YouTube. Il fait des vidéos. Il a fait plein de vidéos pour YouTube. Du coup, c'est un mec genre. Il a fait des web-séries. C'est genre normal. C'est François Descraques. Ou Cyprien. C'est François Descraques. Oh. Putain, je sais même pas qui c'est. Bien joué. C'est qui j'ai envie d'applaudir, mais ça va saturer. Le visiteur du futur. Et du coup, il a dit quoi ? Ah, ça ! J'ai jamais regardé. Il a dit donc. Juste attends, j'avais un travail moi avant. Ce genre de truc qui te plairait en plus. Non, là je pourrais là. Qu'est-ce que fait les French Company, tout ça ? Juste un petit tweet, il a mis. Il a dit : il grimpe dans un tourniquet rouillé, ça tourne mal. Et il parlait de qui ? De personne, c'était la petite blague pour ça tourne mal, tourniquet rouillé. Ah oui, d'accord. Ça tourne mal. Ah oui, c'était un tweet. Ça, c'est un tweet. D'accord. Il faut savoir aussi qu'il fait actuellement une sorte de série Twitter, un feuilleton Twitter, où, au lieu d'une série vidéo ou audio, c'est des petits épisodes sur Twitter, des petites phrases comme ça, et en fait, ça raconte une histoire. Ça, c'est pas et mal, c'est un peu la mode en ce moment Twitter. D'ailleurs. Je sais plus comment ça s'appelle, peut-être mais que c'était dans en tout cas, dans c'est lui qui l'écrit. C'est genre déroule le truc, c'est un truc hyper logique en fait. Et après, tu peux aller sur différents tweets. J'ai pas vérifié parce que j'ai pas Twitter, mais j'ai. Il y a un mec qui a fait ça sur un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Genre ça changeait de situation. Ouais, je sais pas combien de textes. Je sais pas combien de tweets en fait, et en fonction de ce que tu choisis, tu vas sur différents tweets, donc l'histoire est différente. Okay. D'accord. Ouais, c'est pas mal c'est un truc. C'est trop chiant à faire. C'est super chiant, mais t'as des. Mais j'ai été très déçu des dernières œuvres de François Descraques, tout ce qu'il avait fait, la suite des. plus comment ça s'appelle, la suite. Ouais, ça je vais pas regarder. Même la série de base, je vais pas regarder. La saison est très bonne. La première saison de la théorie des Balls. Et après, les deux suites sont très moyennes. Très c'est bien fait. Du coup, c'est agréable à regarder. On peut regarder ça où ? Que ça raconte pas grand chose d'intéressant. On peut regarder ça où, du coup ? YouTube. Sur YouTube. C'est ouais. Gratos. French Balls. Ouais. Ah, c'est beau. Oui, ça, ils ont leur site French Balls. Ouais. Et sur leur site French Nord, parce que je crois qu'il y a des trucs qui ont commencé sur Dailymotion, donc peut-être qu'ils y sont encore. Ouais. Et ouais, t'as plein de mini web séries qu'ils ont fait. Il y avait fait aussi une série qui était diffusée sur France 4 avec La fin du monde dans les Landes, je sais plus comment ça s'appelait. C'était bien, ça, ou pas ? Parce que j'avais le début. Thomas VDB, il me semble. Et tout regardé, toi ? Oui, j'avais regardé les premiers. Il y avait 10 épisodes en tout, j'ai regardé peut-être 7 ou 8. Et c'était propre en soi, comme tu dis, mais c'était pas ouf. Propre. C'était chiant, quoi. Bah, quand t'as 10 épisodes et que t'en regardes 8, c'est vraiment, tu dis, bon, allez, c'est bon, la fin, je m'en branle. Non, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion de. Il en reste plus que 2 à la limite, regarde-les, quoi. Non, mais vraiment, c'est nul. Et parce que je la regarde en direct sur France 4, vu que ça fait 10 ans que j'ai pas regardé quelque chose en direct à la télévision. 10 ans, ça m'étonnerait parce que t'aurais pas vu ça, par exemple, donc tu mens. Ah ouais, menteur. J'ai prouvé. Tu sors. Tu sors, putain, je coupe le micro. Même les j'ai jamais su dire non et tout, c'est hyper cool. Mais c'est ça qui a amené ensuite la théorie des Balls. Je connais pas ça. Ouais, c'était vieux, c'était en. C'est Marocco. C'est Marocco, d'accord. Et j'ai jamais su dire non, ensuite théorie des Balls et ne pas continuer après. C'est Marocco. Okay. Contre Rocco, impeccable. Je recommande de s'arrêter après. Je recommande de passer sur une autre chaîne YouTube. Allez, bah du coup on est déjà à la dernière question parce que c'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Bon, je vous voyais déjà chercher pendant des heures et tout. Non, attends, pas en haut de l'affiche. Ouais. Et finalement non. Alors, qu'ont oublié Belle et Sébastien sur le parking du Walmart ? Leur enfant. Belle et Sébastien. Leur enfant. Ah, c'est pas leur enfant, non ? Leur chien, leur chat, leur hamster, les courses. Alors déjà, il va falloir que vous sachiez qui est, c'est qui Belle et Sébastien, qui ils ont oublié sur le parking. Bah, posez les questions. C'est de la série. Il faut poser les questions. Hein, pour, Est-ce que ce sont des personnes connues ? Ce sont des personnes connues, oui. Donc Walmart, c'est un peu un truc de Leclerc, un peu genre le Leclerc américain. Walmart, voilà, c'est ça. C'est une grande surface américaine. Leclerc, c'est tout de suite pas des marques. Mais c'est leur nom de famille, du coup, Belle et... C'est non. Belle et Sébastien. Ça s'est passé le 15 août dernier. Mais est-ce que c'est un rapport de proche loin avec la série Belle et Sébastien ? Pas du tout. D'accord. Bah, de très très très très loin, donc ne cherchez pas là-dessus. Ok, très. Je sais même pas qui est Belle et Sébastien. Sébastien, du coup. Ouais, Belle et Sébastien. Bah, il peut-être. Ils bossent à la télé ? Ils bossent. On a dû les voir à la télé, ouais. Ah, d'accord, c'est pas leur. C'est leur taf, quoi. C'est pas un couple. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. C'est deux potes, du coup, c'est deux mecs ? C'est plus que deux mecs. Ah, carrément, c'est deux super mecs, quoi. Big mec. Ah, j'ai jamais dit que c'était un couple qui avait des relations intimes. Ah, mais c'est deux mecs. Oui, non, mais je veux dire, c'est justement, c'est deux hommes, c'est deux femmes, ou c'est un gars ? Il y a plusieurs gars. Bah, il y a deux gars. Il y a plusieurs gars. Ah, d'accord, c'est le nom d'un groupe en fait. D'un collectif. Voilà, c'est un groupe. Ah, ils ont oublié leurs instruments. C'est un collectif. C'est un groupe, tout à fait. Ils ont oublié leurs instruments de musique ? Non. Leurs fans ? Leurs concerts. C'est des musiciens. Oui, c'est un groupe de musique. Ah, c'est un groupe c'est de musique. C'est un groupe de rock. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont oublié ? Leur de inspiration ? La drogue ? Non. Leur inspiration ? Non. Leur partition ? Non. Leur thune, genre le thune d'un. Leur dignité. D'un ce concert qui venait de faire. Ça va être un truc con, genre. Oui, c'est un truc très con. Ils ont oublié les bières. Non. Un peu plus important que ça pour leur dignité. Les baguettes ou. Enfin, je veux dire, les baguettes de batterie. Ah, on a oublié le pain, bordel. On annule le concert. On annule. Ah, ils ont oublié quelque chose qui a amené à l'annulation d'un concert, peut-être. Alors, ça n'a pas été annulé, mais ça aurait pu. Ah, ils ont oublié un musicien. Et ils ont oublié le batteur. Ouais. Ah. Joué, Romain. Mais l'ont mis où ? Sur le parking. En fait, ils ont été. C'est hyper cruel. Avec... Ah, non, putain, ils ont d'accord. Pas fait exprès. Ah, ils ont fait les courses, ils ont oublié le mec. Ils ont été. Ouais, en fait, ils ont été au Walmart. Manque de respect le plus total. Ils ont été au Walmart le soir, donc vraiment à la fin de. Aux heures d'ouverture. Ils font leur petite course, ils remontent dans le bus de la tournée, ils se barrent, et puis arrivés à la ville, je sais plus combien de kilomètres, ils se rendent compte que le batteur il est pas dans le bus. Ah, parce qu'ils se sont même pas rendu compte en partant. Non. Bah, le problème, c'est que le batteur il était sur le parking, en pyjama. Sans carte, sans rien, il avait absolument rien parce qu'ils allaient juste, ils sont descendus du bus vite fait pour faire leur course. C'est Stuart Murdoch qui a dû faire un tweet pour demander à des fans d'aller chercher le batteur sur le parking et les ramener. Et ça, c'est bon, ça quand même. Et voilà, et ça s'est passé comme ça. En même temps, le batteur il est tout le temps derrière, hein, donc tu fais pas gaffe en fait. Ouais. Pas là. Ben oui, c'est ça. Et moi, tu l'entends d'habitude, c'est un peu le bassiste qui oublie. C'est ce qu'ils disaient. Ah bah si, ça sert à rien. Les bassistes. Et ben là, non. On vient de perdre les trois auditeurs qu'on avait pas. Et donc, voilà. C'était trois bassistes. Tu crois vraiment qu'il y a des bassistes qui nous écoutent ? Peut-être, si nous écoute, on verra. On ne pensait pas. On mettra une ligne de basse pour voir. Belle et Sébastien, puisque vous ne les connaissez pas, on va écouter ce que ça donne. Allez, avec parti. The Party Line. Alors, à tout de suite. C'était donc The Party Line de Belle and Sebastian de l'album Girls in Peacetime Want to Dance. T'as vu mon accent sorti en 2015. Ton accent est sorti en 2015 ? Non, ouais, mon accent est de 2015. Ouais. Non, il est parti en 2015 et maintenant bah, il reste plus que ça. Voilà, donc pour ceux qui veulent les voir, les prochaines tournées, ça se fera au Japon et aux Pays-Bas. Ça vous intéresse ? Très bien. Parce qu'ils jouent pas en France, apparemment. Ouais, mais il y a un petit vol direct Nantes-Amsterdam. Demain à 17h, peut-être qu'ils jouent là-bas. Un petit Webus pour les Pays-Bas. Tranquillou, voilà. Tranquillou, tu peux les faire ça. C'était l'instant promo. On passe à la partie numéro 2. D'où ça sort Party number 2, merci. C'est toi qui l'as fait. C'est pas moi, c'est Rémi Tirmoiseur en vrai. Ah voilà, ouais. Ah, d'accord. Il faudrait que je les revoie. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ok, ouais. Je me souviens. Ça fait tellement longtemps. Remember. Je sais pas faire l'accent indien, donc c'est pas moi qui l'ai fait. Donc merci Ranjit. Donc la deuxième partie, bah, c'est la partie pouce en l'air. Vous allez, pour certains, donner vos recommandations. Tu veux commencer, Romain ? Non. Tu veux pas commencer ? Si, je m'en fiche. Allez, bah vas-y, c'est parti. C'est quoi ta... C'est une BD. C'est une BD, c'est une bande dessinée écrite et dessinée par Fab Caro, un jeune graphiste. Qui s'appelle... Qui a fait quoi ? Je ne sais pas, justement. J'ai découvert avec ça et j'ai pas beaucoup recherché, je te l'avoue. Ok. Et qui s'appelle Zai Zai Zai Zai, en référence à la chanson. Zai Zai Zai Zai Zai. Et de Rihanna. De Shaim, qui est... Émétophobe. Émétophobe, elle aime pas vomir. Émétophile. Elle kiffe le vomi. Et du coup, pourquoi Marocco ? Tout simplement parce que déjà, l'objet en lui-même, le livre, est vachement beau. C'est-à-dire que c'est imprimé sur un trop beau papier et tout. Genre, vraiment, c'est vachement stylé. Même les dessins et tout sont trop, trop beaux. Et en plus, c'est hyper drôle. C'est genre le plot, sans vous en dire trop, c'est un mec qui va faire les courses. Du coup, Fab Caro, il se met un peu lui-même dans la BD. Il va faire les courses. Et au moment de payer, la caissière lui demande s'il a la carte du magasin. Il répond que c'est dans son autre pantalon, parce qu'apparemment il n'y a que deux pantalons. Et du coup, la caissière appelle la sécurité, parce que c'est pas bien de pas avoir la carte du magasin. Et la sécurité appelle la police et tout. Et en fait, ça devient l'homme le plus recherché du monde parce qu'il n'avait pas sa carte de fidélité. C'est tout à fait n'importe quoi. Et c'est beaucoup trop. Tu vois, des fois, on quitte l'action pour aller sur des couples qui disent complètement autre chose et qui racontent un truc qui n'a rien à voir avec l'histoire. Et juste, ils s'aiment et puis ils commencent à baiser de. J'allais dire devant la caméra, mais non, mais de. Enfin voilà, c'est très, très marrant, très absurde. Et je vous le recommande, c'est d'accord, mon plus en l'air. C'est très bien. C'est et c'est clair. En une seule BD ou il y a plusieurs ouais. numéros ? Ouais, non, à la fin ça se termine. Il y a une fin quoi. Et à la fin on comprend souvent, pourquoi ça s'appelle. C'est comme One Piece, environ 72 tomes. Non, il y a un tome. De 8 euros. D'accord, de 8 euros ? Ça fait environ 75 vaches, ça, non ? À peu près, à peu près. Merci Romain pour cette vanne. Adrien, c'est quoi ta reco ? Marocco, c'est le film Baby Driver qui n'est sans doute plus en salle à l'heure où je parle, mais qui était le mois dernier. Personne ne nous écoute. En tout cas, toujours est-il, c'est le dernier film de Edgar Wright qui a fait la trilogie Cornetto avec Nick Frost et Simon Pegg. Alors, il faut expliquer ce que la trilogie Cornetto, c'est les trois films, à savoir Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Et il a également fait Scott Pilgrim, voilà. Et c'est son nouveau film, et je trouve que c'est le meilleur qu'il ait fait. Enfin, pour moi, c'est carrément faux. Peut-être faux, mais en tout cas, c'est mon préféré. Je sais pas qu'il est meilleur en soi au niveau de l'intrigue ou quoi que ce soit, mais dans la réalisation et le montage, il est parfait de A à Z. Et là, on pourra pas me contredire parce que c'était un fait. Enfin, je pense. Ah non, mais carrément. J'arrive pas à te contredire. Mais voilà, en fait, le film est basé surtout sur la bande son. Sans la bande-son, le film n'a aucun intérêt, clairement. Et chaque scène est minutieusement montée sur la musique, ce qui fait que ça donne un film réglé comme du papier à musique, si je puis dire. On est presque sur du clip musical. C'est ça, c'est une sorte de comédie musicale, si on veut dire un peu exagéré. Mais non, voilà. Est-ce que la musique est bien sans le film ? La musique est bonne. Alors, la BO est excellente. Cool. Parce que moi, j'ai acheté le vinyle de Scott Pilgrim. Après avoir vu le film, du coup. Et du coup, je me suis dit, peut-être que je vais prendre Baby Driver aussi. Bah, la bande-son de Baby Driver est très cool, même si t'as pas vu le film, la BO, enfin, pas la BO, c'est du coup, mais la bande-son. Bien, quoi. Bah, regarde le film. Ok. Ouais, ouais. Et alors, j'avais peut-être un petit peu survendu la dernière fois, ce qui fait que vous êtes peut-être moins apprécié ouais, que vous auriez vu. Tout le monde l'a vu ici ou pas ? Non, je l'ai pas vu. Ah, non, donc je vais pas le survendre à ceux qui. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Effectivement, faut pas le survendre. Voilà, faut pas le survendre. Je l'ai trouvé très cool, mais il est très cool, mais c'est pas non plus. Et ça parle de quoi ? Et ça parle de quoi ? Alors, pourquoi il y a de la musique ? J'ai plein de questions. L'histoire de base, c'est un jeune homme qui conduit lors de braquages de banque, donc c'est à lui de semer les flics avec son équipe, et il a toujours des écouteurs sur lui, il vit avec la musique, ce qui fait qu'il ne peut pas faire quelque chose s'il n'a pas sa musique, et en fait, toute la musique qu'on entend dans le film, c'est la sienne. D'accord, ouais, donc il y a une vraie intéressante. Et il essaie de sortir de ce milieu-là, mais ce n'est pas forcément facile, et voilà, c'est cette situation. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tout le temps quand t'es braqueur, c'est pas simple. Et voilà, il essaie de sortir de ce milieu-là, et voilà, après, le reste est à voir. Ok. Ouf, tellement bien lancé. Ouais, c'est sur, vrai. Putain, on a envie, j'ai envie de le revoir. Ouais. Bah, je peux conseiller. C'est ça ? Ouais. Ok, j'irai. Mais du coup, vous qui l'avez vu et qui avait été donc pas forcément déçu, mais peut-être un peu. Ah non, il est grave bien, je suis d'accord avec toi, il est trop bien, mais c'est clairement pas son meilleur film pour moi déjà, c'est sûr. Et en plus, c'est peut-être du coup parce que tu l'as survendu, mais. Passer le côté hyper intéressant du montage, parce que t'as raison, genre on peut pas te contredire la suite, c'était méga bien, et bah je trouve que ça propose pas grand chose d'autre intéressant. L'histoire est sympa, mais c'est un peu du déjà vu, c'est pas plus. Voilà. Et les personnages, je trouve, sont assez creux au final, à part le héros principal, tu vois. Et il y a beaucoup de retournements de situation, genre, mais en fait, t'aurais pu faire comme ça. Ah ouais, j'avoue. Après, il a voulu faire un délire. Ouais, voilà, et c'est pas gênant en soi, c'est cool, tu kiffes. Mais c'est pour ça que je compare un petit peu à Mad Max, dans le sens où Mad Max, c'est pas un film que tu regardes pour l'histoire, enfin le dernier Mad Max, Fury Road. Tu vas pas dire, putain, l'histoire était nulle. Ouais, c'est, c'est un spectacle. Voilà. Ouais, c'est un peu pareil. Tu regardes le film, tu vois. T'es pas forcément dans l'histoire, etc. L'histoire, c'est un fond, mais c'est vraiment la forme qui est importante pour le film. Trois points. Ouais, moi, c'est pareil. J'ai bien aimé. Bah, j'ai un peu les mêmes critiques que Romain. Mais toi, on va coucher ensemble ce soir. Donc, ça, je... Déjà, tu pouvais enlever ta main de mon genou. T'as un énorme genou. J'ai un peu les mêmes critiques. Et en fait, ce que j'ai adoré au début, c'était la bonne ambiance dans le groupe, sans vouloir spoiler l'histoire. Après, il y a quelques petits événements qui font que le groupe se split un peu. Et là, j'ai moins aimé après. J'aurais préféré que ça reste une ambiance de potes pendant tout le film. Ce qui n'était pas le cas. Mais en fait, oui, t'as raison. Faut vraiment le prendre sur le coup. Genre, c'est fun. Et en fait, moi, je rappelle aussi de Pacific Rim. Genre, Pacific Rim, le pire scénario de la planète. Mais par contre, c'était bien marrant. Ça explosait de partout. Et voilà. Et ben là, c'est pareil pour moi. J'ai détesté ce film. Ah ouais, c'est pareil. Ouais. C'est marrant, vite fait. Quoi. C'est pas du Transformers dans la mer. Si. Mais c'est mieux horrible devant. En plus marrant. J'avais honte de regarder ça. En fait, c'est mieux que Transformers. C'est plus japonais. Mais faut pas être japonais, je pense, pour regarder. C'est américain, Pacific Rim. Préféré. Ouais, mais c'est pris sur Mazinger. Et des c'est machins comme ça américain, ouais. Donc c'est un peu moisi quand même. Ils font un 2 d'ailleurs. Oui. Oh, t'as pété ta chronique là, dire. Sur un autre truc. Ouais, donc Baby Driver, c'est voilà, t'as tout dit du coup. C'est ouais, bien. J'ai tout dit. Je trouve que c'est, il était mieux que, enfin, était mieux que tous les autres films vu que c'est celui que j'ai préféré. Mais la trilogie Cornetto était très cool et là, du coup, je me suis rematé les autres Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Dernier Pub et je suis resté sur le même avis que j'avais eu quand je les avais regardés, à savoir que le Dernier Pub c'était quand même le moins bon de la trilogie. Ouais, alors que Shaun of the Dead et Hot Fuzz sont extrêmement cool. Et voilà, depuis Scott Pilgrim, c'est son meilleur film. J'ai vu aucun des trois. Ah, depuis Scott Pilgrim, c'est son meilleur film. T'as vu aucun? J'ai vu juste Scott Pilgrim, comme c'est tout. Fait pas entre les deux. Ah, okay, en fait, j'ai connu Edgar Wright parce qu'il devait normalement il devait réaliser Ant-Man à la base, et il s'est fait virer machin, enfin bref. Et du coup après, je l'ai connu en me disant tiens, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Allez, fait Scott Pilgrim machin. D'accord. Donc je suis un retour en arrière. Là. Juste regarder Scott Pilgrim, mais du coup je regarderai la trilogie. Ouais, voilà. Absolument que tu regardes Shaun of the Dead, c'est le meilleur de tout. Ouais, ça. Mais j'ai pas le temps. On s'en fera une séance dimanche soir. Eh, carrément, oui. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Ça va intéresser les auditeurs en plus. Ils sont pas là. Pour mettre une webcam. Invitez tous, il n'y a pas de problème. N'est touché à rien, là c'est bon. Ça t'empêche de regarder tes micros et puis on décrit le film en direct. Ah putain, on fait un live tweet. Ah là, il y a un zombie. Là, il y a un autre zombie. Baby Driver, merci Adrien. C'est moi qui vais prendre la suite avec Firewatch, un petit jeu sur. Firewatch, pour ceux qui savent pas parler anglais. Firewatch. Firewatch, oui, voilà, Firewatch. Firewatch, c'est un petit jeu indépendant développé par Campo Santo, une petite boîte californienne qui a été fondée en 2013 à San Francisco, et c'est leur premier jeu. Ouais, je donne j'étais beaucoup trop renseigné par rapport à nous, c'est incroyable. Mais non, mais j'ai vraiment aimé le jeu, du coup, je me suis bien renseigné. Malade, c'est leur premier jeu. Et c'est dispo sur quoi, déjà? C'est dispo sur PS4, Xbox One, PC, Mac, Linux même. Ça va. Ah ouais, pas d'erreur. Pour le prix de 20€ à peu sur près. Sur Steam, ouais. C'est du démat, hein. Oh. Ouais, bah c'est que en démat, donc c'est que sur les stores, enfin les boutiques en ligne des consoles, vous pouvez pas l'avoir en boîte. Donc Steam, PS Store et compagnie. Il a eu deux prix ce jeu, il a eu le BAFTA Game Award du meilleur doublage et du meilleur premier jeu. C'est en Angleterre, ça, le BAFTA. Il y a des prix de doublage pour le jeu. Heureusement. Le BAFTA, c'est le British Academy of Films and Television Arts. En gros, c'est les Oscars des Anglais. Il y a beaucoup de gens qui font du cinoche et qui font du jeu vidéo en même temps. Ouais, et eux, ils font un prix pour le. Ah, d'ailleurs, je crois qu'il y a le doubleur de Bruce Willis, je sais plus comment il s'appelle, qui double un mec dans Wolfenstein nouveau là, qui va sortir. Patrick Poivet, c'est possible. Tout à fait. Voilà, c'est bon info. C'est toujours bon à prendre. Patrick, si tu nous écoutes, Patrick. On pense à toi. On pense à toi. Tu nous manques, reviens. Et donc, Firewatch. Alors c'est un petit jeu qui dure, ça dure pas très longtemps, ça dure 5 heures. On est plus dans du récit interactif que dans du vrai jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a une vue à la première personne ou en vue FPS, si vous connaissez. Les vrais sages. Mais c'est pas de tir, hein, pas de combat, pas d'action. Oh, c'est nul, quoi. Pas de sang. C'est nul, ouais. Pas de grenade. Pas de grenade. Pas de grenade, rien. Et vous commencez le jeu, vous jouez Henry, un mec qui a envie de prendre une petite pause dans sa vie. Alors on sait pas trop pourquoi au début. Et il décide donc d'aller, pourquoi pas, dans le Wyoming, devenir surveillant des collèges. Surveillant d'un parc de garde forestier, en gros. Voilà. Garde forestier. C'est quand même une grosse pause, hein, quand même. Ouais, c'est une grosse pause. Non, c'est juste le temps d'un été, c'est voilà, 2 mois. Et donc tout le jeu s'articule sur son travail, c'est-à-dire qu'il est dans une sorte d'observation avec un Takiwaki. Et sa chef, qui s'appelle Delilah, lui transmet tous ses ordres via le Takiwaki. Ce Takiwaki-là, c'est votre seul, c'est votre seul accessoire pendant tout le jeu. Vous allez parler avec votre chef, et à chaque fois que vous allez discuter avec elle, vous avez des choix. Vous avez 3 choix. Et selon les choix que vous allez faire, vous allez orienter la conversation. Et vous allez en apprendre plus, soit sur vous, soit sur elle, soit sur ce que vous devez faire. Et après, à un moment donné, évidemment, il y a des petits événements qui vont vous amener à sortir de votre tour d'observation. Petit événement de type feu de forêt, hein, c'est un Firewatch, du coup. Voilà, Firewatch, logique. Okay. Firewatch, deux buts dans le jeu. Oh. Il n'a pas pris de l'exploration. de l'exploration et puis la conversation, c'est vraiment une petite histoire. Faut voir ça comme un petit bouquin du dimanche après-midi. Si vous savez pas quoi faire, vous prenez le jeu et puis vous en avez pour à peu près 5 heures. C'est un gros bouquin, quoi. Ouais, si vous êtes mauvais, vous en avez pour 10 heures. Mais non, en gros, c'est ça. Vous avez pour moins de 5 heures. Et puis, c'est simplement suivre l'histoire. C'était les succès, les trucs, tout faire. Alors, ne cherchez pas d'action ou quoi. Hein, c'est vraiment juste l'histoire de la relation entre ces deux personnages et puis la relation. Pas de combat, y a rien. La relation avec le parc, ce parc sauvage. Et je crois qu'il est beau en plus. Enfin, genre, il est plutôt. Ouais, il est plutôt joli. On est dans un type un peu cel shading, un peu dessin animé. Il est pas mal. Oui, il a des graphismes un peu à la The Witness. Ouais, ça fait un peu ça. Ouais. Est-ce que vous voulez une anecdote de merde par rapport à ce jeu ? Allez, vas-y. Je l'ai découvert en cours de web. Genre, regardais les films, les sites vachement bien faits, intéressants et tout. Et le site de jeu là est trop trop bien. Genre, la page d'accueil est trop trop cool. C'est une sorte de. En fait, quand on scrolle en bas, ça dézoome un truc et il y a plein d'effets de pseudo 3D et tout, de relief et tout. C'est trop trop bien fait. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. C'est très beau. Voilà. Grâce à la technologie. J'ai une info. Ceux qui ont fait ce site là, ils ont fait un jeu qui s'appelle Firewatch. C'est les effets de Parallax. C'est en parallaxe, c'est en parallaxe. C'est vrai, c'est pas parallaxe. Ah non, putain. Pour le coup, c'est vrai en plus. Oui. On expliquera ce que c'est que parallaxe plus tard. Donc voilà, c'est bon pour moi. Firewatch, moi j'y ai joué sur PS4, mais vous pouvez y jouer sur. Ah, le PS4 nul, donc. Le mec il a même pas vu que t'avais souris. Oh là là. Non, mais y a pas besoin. J'y ai joué aussi sur PS4. T'as besoin d'un stick et d'un bouton, c'est tout. Hein. J'y ai joué peut-être 3 oui, heures. Adrien, t'y as joué. J'ai une très bonne expérience avec ce jeu. Le jeu était très cool. J'étais bien investi dedans, dans l'histoire. Voilà, la relation entre les deux personnages. T'as une relation avec un jeu vidéo. J'ai une relation avec un jeu vidéo. Il s'est marié, deux enfants. Et en voulant rallumer ma PS4 le lendemain et lancer le jeu, ça s'est mis à charger pendant à peu près une demi-heure, ce qui est un peu long pour un jeu, il faut le dire. Donc je me suis dit, bon, je vais réinstaller. Et ça n'a jamais marché. Je n'ai jamais donc pu finir ce jeu parce que j'ai jamais réussi à le relancer. Je l'ai installé, je l'ai supprimé. Mais je l'ai remis et non. T'as pas regardé sur internet genre. Sinon, mais y a rien, je lance le jeu et ça charge indéfiniment. C'est ta console qui déconne. C'est dommage parce qu'il était vraiment bien. Et du coup, je ne pourrais jamais faire la fin. Tu pourrais jamais faire comme ça. Du coup, j'ai toujours ma sauvegarde, mais j'ai plus le jeu. Enfin, je peux pas y jouer. Mais tu l'avais acheté. Bah, on partage le compte. Ah, super les gars, bravo. Génial. Bravo. Vous tuez le petit commerce du jeu vidéo indépendant. Si, c'est légal, vous êtes de la même famille. Si, on a le droit à ça. C'est partage familial. C'est comme les VHS, t'as le droit de les partager dans le cercle familial. Ah, tu peux inviter les gens à le regarder, mais t'as pas le droit de le prêter. Ah voilà, c'est ça. Donc voilà, du coup, j'ai jamais pu finir le jeu alors que. Oui, il avait l'air bien. Non, c'est vrai, il était vraiment. D'autant plus que le travail de doublage des comédiens, il est vraiment très très bon. Et c'est en français, en anglais. Non, c'est en anglais. C'est VO sous-titré. Après, je sais pas s'il y a une version française, je crois pas. Je crois pas. Non, mais je pense que c'est VO sous-titré. Mais oui, les voix sont cool. Mais elle est dans ma liste. Elle est dans ma liste Steam en fait. Ça se sent ou pas quoi. Je suis investi. On va avoir passé un bon moment. Ouais. C'est un peu mélancolique, faut aimer. J'oublierai jamais. C'est un peu lent, c'est un peu voilà. C'est très lent, c'est contemplatif, c'est de la narration environnementale. Et de la musique ou pas Non mais le. Ouais, il y a une musique, mais c'est pareil, c'est des musiques un peu d'ambiance, quoi. C'est pas. Musique d'ascenseur dans une forêt quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais non, c'est des bonnes musiques quand même. Tout ce que je retiens, c'est qu'il y a pas de grenade. Je sais pas si. Il y a pas de grenade. Il y a pas de zombie. Il y a pas de zombie. Ouais, non, c'est de la merde. Il y a pas de voiture non plus. On peut pas tuer une voiture. Il y a des tortues. Il y a des tortues. Ah, carapace ou pas ? Des abeilles. Est-ce qu'on peut rouler en karting ? C'est important. Donc voilà pour Firewatch. Anthony, c'est à toi. J'aime pas quand tu m'appelles Anthony. Genre, c'est vrai. Fro. Non, sans déconner, comment vous appelez d'habitude du coup, parce que ça me perturbe. Fro. Fro. Francis. Fro. C'est mon pseudo, la con, qui me suit. Très bien. Depuis beaucoup trop longtemps. Moi, je vais parler musique, parce que le jeu vidéo, c'est de la merde. Hein, c'est ça. Et en fait, j'ai l'air d'avoir pris plein de notes, mais c'est parce que j'ai écrit un article sur mon blog. C'est ton blog. Alors le mec se reconnaît même pas au premier épisode, le mec fait déjà la pub. Non, mais est-ce qu'il me regarde genre j'ai pris plein de notes, non, pas du tout. Quel est ton blog, Fro? Non, mais vous le trouverez jamais. Le blog le moins productif du monde. C'est pour ça que je te demandais. Du coup, j'ai parlé d'un album, c'est le dernier album de Queen of the Stone Age. Je crois que t'as arrêté Queen. Connaissez oui, ou pas. Ouais, je connais Queen. Tout à fait. Tu connais Queen, mais la celle qui chope ton cœur ou l'autre qui chope ton cœur. Valide. Tu valide mon cœur. Donc ouais, moi ça faisait 4 ans que j'attendais cet album qui s'appelle Villains, vilain en français. Ah. Vilain. Et qui du coup j'attendais depuis 4 ans parce que le dernier il est sorti en 2013 forcément. 4 ans. Qui était mon meilleur album de 2013. Ouais, c'est ça. Et j'avais un petit peu les miquettes parce qu'il était il est produit par Mark Ronson. Je connais pas cet homme. Ouais, j'avais les miquettes. C'est pas très Wires comme. J'avais les boules. Il non, a fait il quoi, est. Mark Ronson. Mark Ronson, il a fait Lady Gaga. Ah, c'est lui qui a. Il l'a fait. Son père. Il a produit. Non, il a produit Amy Winehouse aussi, mais il a produit. Upton Funk, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bruno Mars. Ouais, ça, voilà. Il a produit ça aussi. Et du coup, j'aime bien, mais c'est pas très rock quand même. Et du coup, j'avais vraiment peur. Et au final, je suis tombé sur le meilleur album de 2017. pour moi en tout cas. Carrément. Ouais, carrément. Donc, carrément. Voilà. Il balance son blog. On en septembre. Julie Miquette a meilleur album. Ah, on en septembre. C'est mon, non, c'est mon meilleur album. N'hésite vraiment. Pas réagir sur les réseaux sociaux. Appuie sur j'aime. Ouais, j'ai dû l'écouter. Je ne sais pas combien de fois. Je pense que j'écoute au moins trois fois par jour, je pense. D'accord. À peu près. Au moins trois fois par jour. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Mais est-ce que c'est le meilleur album du groupe? Parce que c'était le meilleur album de 2013 aussi, non? Non, de 2017. Après, le meilleur album du groupe, vu qu'ils sont un peu différents tous les albums, non, je dirais pas ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quel style de... C'est du rock. C'est du rock. Très bien. C'est du rock. On est pas très loin du métal ou quand même? Non, on est loin du métal quand même. C'est plus du rock. Sur une échelle de métal à pas métal. Métal à pas métal, voilà. Est-ce que ça a quand même changé de style par rapport à ce que tu t'entends? Non, par contre, non. C'est vraiment, si t'aimes bien Queen of Stone Age, ça reste du Queen of Stone Age. Tu écoutes la première musique, tu sais ce que c'est, direct. Ça n'a pas changé en 3-4 ans, ou parce qu'ils ont changé de producteur ou autre, ça n'a pas changé. Le seul truc qui a changé, c'est qu'au final, ils ont plus de thunes avec Mark Ronson. Du coup. Oh, non, mais. Dès qu'il y a du fric. Qui, dit plus, non, qui dit plus de thunes, dit plus de matériel, surtout. Et ouais, c'est le mec au synthé, en fait. Il y a encore du synthé dans ce que j'écoute. Il n'y en avait pas avant du synthé dans le Il y en avait. Ah bah oui, il y a un putain de mec qui fait du synthé. Ouais. Et du coup, il avait vachement plus de matos aussi, donc du coup, même au niveau basse aussi, il y a une bonne ligne de basse, enfin, il y a vraiment tout. Ils n'ont jamais oublié leur batteur sur le parking ou pas? Non, et d'ailleurs, là, un des batteurs de Queen of Stone Age, c'est des potes avec Dave Grohl. Mais justement, c'est ce que j'ai posé comme question, Dave Grohl, il n'a pas fait partie du groupe ou au moins fait un album avec... Il a fait quelques trucs, mais il n'a pas tout fait. Là, c'est un nouveau batteur, je ne sais plus quel groupe il faisait partie d'ailleurs, mais il joue vraiment bien. Non, du coup, ouais, non, c'est mon album de l'année. D'accord. Clairement. Carrément. Même s'il y a d'autres trucs qui sortent. Même s'il y a le prochain album de Scheim, ça sera quand même. Ouais. Okay. Et de Queen. Et Britney Spears qui ressort pour la première fois en vinyle. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Mais c'est déjà sold out. J'ai voulu l'acheter. Je voulais l'offrir à Adrien. Mais c'est comme les Amiibo alors, on peut jamais les acheter. C'était mon idée de cadeau pour février. D'ici février. C'est sold out. Mais c'est, je sais plus, c'est un site web, je crois, qui a fait ça. C'est pas Mondo ou un truc comme ça. Qui a dû refaire une édition un peu collector, machin. Donc, Tu Britney Spears collector, c'est marrant. Ok, tu m'avais conseillé un titre. Ton album était génial. Ouais, je me souviens plus du titre d'ailleurs. En question, était génial. Ah, c'est ça, voilà. C'est le second single. Les musiques les plus old school et tout sont trop stylé. Je conseille, c'est Maraco. Et ben moi je conseille ça, la Rocco d'Anthony, donc The Evil Has Landed, Queen of the Stone Age. Très bien. Pif. c'était donc The Evil Has Landed, Queen of the Stone Age, de l'album Villains. Vilain. Sorti donc cet été. On part sur une petite contre-roco. De quoi va-t-on parler ? Ah, de quoi va-t-on parler ? Bah, moi, j'ai... Contre-roco général. On va parler du film Death Note, sorti sur Netflix, par Netflix ce mois-ci. Pour Netflix. Pour Netflix, sur la télé. C'est clair, sur ordinateur et ou tablette. Ce mois-ci, adaptation du manga et de l'animé du même nom, Death Note. Donc. Ouais, de je ne sais plus qui. Je sais pas. Yo, Kabanoto. Ouais. Mais de deux mecs hyper bien. C'est enfin, cool. Qui l'a lu en manga ? Pas en anime. En manga papier, je parle. Hein. Romain, j'ai acheté le manga papier. Mon frère les a. D'ailleurs, ouais, bon, pour l'instant, j'ai acheté que les deux premiers numéros. J'ai après avoir regardé l'animé, donc j'ai regardé l'animé en entier, que j'ai découvert le mois dernier. Donc j'ai découvert très tardivement. J'ai découvert ça le mois dernier. Sur le tard. Et ensuite, du coup, j'ai voulu acheter le manga pour comparer et voir la d'ailleurs, différence avec l'animé. Le dessinateur, je l'ai là. Ah voilà. Dis-nous, vas-y, dis-nous. T'as mis sur l'info. Takeshi Obata. Voilà. Le scénariste, c'est Tsugumi Oba. Ah bah voilà. Et il a fait. Ils ont fait d'autres trucs. T'es pas loin. Ils ont fait un autre truc d'ailleurs après, qui est pas mal aussi. Ils ont fait autre chose. Ouais, ouais, je sais plus merci quoi. Merci pour cette précision. Ouais, démerdez-vous, démerdez-vous, faut trouver. Je suis le premier sur l'info, je sais plus quoi. Voilà. Et bon, c'était bien. Ils ont fait Blue Dragon. Ah, c'est intriguant, les gens ont envie de Blue Dragon. Ils ont fait Hikaru no Go. C'est Hikaru no Go. Bakuman. Et All You Need Is Kill. Bakuman, moi j'ai lu. Et Platinum End. Ah, ok. Enfin, pour le dessinateur, en tout cas, Takeshi Obata. Pour le scénariste, je sais pas, c'est peut-être le scénariste. On parlait peut-être du scénariste. Ouais, mais je crois qu'ils ont bossé ensemble. Ils ont bossé ensemble sur Bakuman et Platinum N. Ouais, c'est... Et Bakuman, c'est bien aussi. En tout cas, Death Note, le manga, vous avez tous aimé. Vous l'avez tous c'est vu. Trop de la balle. Vu ou lu, vous avez. L'animé, en tout cas, ouais. Bah, vu que j'ai pas trop de la balle. Tout le manga, c'est mais. Trop de la balle. Qu'est-ce qu'on peut raconter vite fait Fin. Tu lis le truc ou tu regardes l'animé, franchement, c'est top. C'est trop de la balle. Tu lis vite fait l'histoire du. Allez, vas-y, qui s'en charge. Oui, c'est Adrien, dans un jeune lycéen, premier de sa promo, premier de son école même, qui... premier du Japon. Premier, oui, limite du Japon, tellement... Premier sur l'actu. Premier sur le rap. Qui s'appelle Light Yagami. Light Yagami, absolument, qui découvre qui voit un cahier tomber du ciel pendant qu'il est en cours, donc il va le ramasser. Et sur ce cahier, c'est marqué Death Note, livre de la mort. Donc. Mais c'est un premier d'accès. C'est un pub pour Oxford à la base. Il y a quelques règles marquées sur ce cahier, notamment que si on écrit le nom d'une personne, tout en connaissant son visage, la personne meurt. Donc au début, il croit une mauvaise blague, et puis il l'essaye et se rend compte que c'est vrai. Il va vouloir devenir une sorte de justicier en punissant les méchants, criviers, les criminels. Les vilains. Voilà, les vilains, exactement. En quelque sorte, il ne veut pas être le justicier qu'il mérite, mais... Oui, non, ils ont besoin. Donc, en tuant les criminels, il prend la place d'un justicier du nom de Kira, ce qui lui monte très vite à la tête. Et même à la tête des gens, parce qu'il y a complètement un culte de Kira, après, c'est carrément un dieu. Ouais, parce qu'il y a moins de criminalité, machin. En tout cas, au Japon, au début, et après, il fait dans tout le monde, machin. Et après, il se passe quoi ? Et après, il y a un mec de la CIA qui s'appelle L. Voilà. Il n'est pas de la CIA en fait, il travaille tout seul, mais il travaille avec la police ou avec la CIA, ouais, qui va chercher à l'arrêter. Et en fait, toute l'histoire prend une sorte de. J'appelle ça un jeu d'échecs parce que chacun a un coup d'avance toujours sur l'autre. Ouais. C'est un duel en fait. Voilà. C'est l'autre essaye de trouver qui c'est, elle, parce que personne ne sait qui c'est. Enfin, Light essaye de trouver elle essaye de trouver qui est Light, et du coup, chacun essaye de. Qui est Kira. Et chacun essaye de savoir avant l'autre. Et aussi, il y a un dieu de la mort. Tout à fait. Ça fait beaucoup d'infos pour la belle propriétaire. Le proprio. Celui à qui appartient le cahier. Qui s'appelle Ryu. Tout à fait. Et tout ça, on peut le dire, c'est dans le premier épisode. Parce que moi, j'ai vu qu'un épisode. Oui, lance pas le que dalle. Lance pas le vraiment rien. C'est vraiment l'histoire de base. L'histoire est dans le premier épisode. Après, tout se développe. Voilà. Après, j'avoue. C'est Columbo, quoi. T'as tout dès le départ. J'avoue que moi, en fait. En vrai, ce qui est intéressant, c'est le duel. Même dans le manga, ça s'est un peu perdu au 8e tome, je crois, un truc comme ça. À peu près la moitié. Il y en a combien déjà ? Je crois qu'il y en a 12 ou 14. Je sais plus. Je sais plus, moi dans la tête j'en avais 9, mais peut-être au moins 12. C'est au moins 12. Et du coup, à un moment donné, ça commence à. Enfin, faut prendre des notes, quoi, limite pour comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Parce que genre. Genre, il déchire une page, il l'enterre, il machin, il oublie, il revient, enfin, c'est tout un bordel. Mais du coup, c'est hyper cohérent, c'est bien écrit. D'accord. Donc, et pourquoi le film fait cette totale unanimité Il est autant mauvais en tant que film qu'en tant qu'adaptation, en fait. Alors oui, c'était voulu de base que ça soit pas exactement comme le manga. Bah, une heure et demie. Effectivement, on s'en rend compte dès le début. Le Light, c'est pas du tout le même que dans le. Il s'appelle même pas Light Yagami d'ailleurs. C'est Light Turner, je crois. Turner pour un peu américain. Ouais, faut pas mettre de japonais. Ouais, ça se passe plus au Japon alors. Voilà, c'est pas non plus. Ah, le light populaire, le light où il est bon partout, il est voilà, c'est à la limite on voit dès le début que bah il est intelligent, c'est ce qui va mettre aussi le jeu d'échecs en place. Moi j'ai trouvé nul moi dans le film. Ah, oui. Il était nul. Ça commence. Il faut savoir aussi là je spoil pas non plus que dans le manga Light c'est quelqu'un de très intelligent, très manipulateur, ouais. Et il n'a même pas un seul remords à tuer des criminels. C'est... Et ça que j'ai trouvé un peu dommage aussi dans la série, c'est que ça aurait pu être amené de manière à ce que, dans l'animé... Et surtout, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de le faire, en fait. Il n'a pas peur du tout, et il sait ce qu'il fait, il est d'accord avec lui-même, il ne regrette rien. Il est un peu psychopathe, quand même. Alors que... Ouais, mais il les aime bien, moi, lui. Oui, non, là, c'est ça qui est intéressant. Alors que dans le film... C'est un teubé. C'est un teubé qui a peur. Il est super con. Là, on fait beaucoup de comparaisons avec, mais encore une fois, il est mauvais, même si on fait pas de comparaison, parce qu'il faut parler vraiment du film. Il faut vraiment séparer les deux œuvres parce qu'elles avaient vraiment pas pour but. Il y a une œuvre et une merde. Elles auraient pu être totalement différentes et être bien quand même. Même s'il n'est pas aussi charismatique que dans le manga, là, il l'est pas du tout. C'est le gros problème. Déjà, ça commence même pour le film, même au niveau de comment c'est filmé, ça fait vraiment un film de teenager. Moi, ça m'a fait penser à Destination Finale. C'est quand ils sont morts. Au début, quand on le regardait, on avait l'impression d'être dans un film de High School Musical. Vraiment, c'était ridicule. Le début était vraiment ridicule. Et genre, ça a il pleut et tout le monde court partout. Genre, c'est la fin du monde. Mais oui, c'est ça. Puis effectivement, on s'accroche pas du tout au personnage de Light. Parce que c'est une grosse pleureuse qui se fait manipuler. Lui, on a pas. Tu victimises les pleureuses. Même si on n'a pas envie de comparer les deux œuvres, normalement, l'intérêt au moins d'un Death Note, c'est d'une personne qui reçoit le Death Note. Et là, il va y avoir ce jeu d'échecs en fait. Au moins, on va avoir deux personnes charismatiques qui vont s'opposer. Et là, on avait un Light qui pleurait pendant tout le long du truc, qui se faisait manipuler par sa copine. Parce que là, pareil, bon, là, il y avait un personnage qui intervenait en plus et qui utilisait le Death Note en plus de lui. MML, elle a rien à voir avec le manga aussi. Ouais, parce que t'as une nana dans le manga. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il se fait manipuler lui. On a l'impression qu'il maîtrise pas grand chose. C'est une daube. C'est une grosse victime en fait. Mais c'est le problème du film, c'est qu'il y a aucun personnage charismatique. Parce que même elle, c'est pareil. Il a peur pendant tout le film. C'est ça. À part se mettre sur ses genoux comme dans l'anime, il fait rien. Il maîtrise aucune de ses émotions. Parce que dans le manga, c'est le truc. Il a jamais un peu de peur, un sursaut. Mais par contre, elle. Et ça l'amuse un peu, tu vois. Et ça qui m'a fait bizarre en fait, c'est que t'as Light, donc ils ont mis un ricain de base à la place d'un asiatique. Oh, mais ça, à la limite, encore à la limite, ok. mais par contre, pour elle, ils ont mis un noir. Oui. Un noir américain, alors que le mec, il est justement américain dans le manga. Mmh. Normalement, il est américain, il est d'origine. Il est anglais, je crois. Ouais, je sais plus. Un truc comme ça. Ouais, mais il est d'origine asiatique, mais il vient d'Angleterre. À la limite, ils auraient pu mettre un mec un peu occidental. Bon, machin, c'est les Américains qui ont réalisé, donc ils ont un cahier des charges. Il faut. Mais c'est vraiment nul. Il faut tant d'ados, il faut tant Mais tu peux pas faire une adaptation d'un manga qui est hyper connu, parce qu'il y a des comédies musicales, il y a eu des films. Enfin, regarde Ghost in the Shell, ils ont mis un Jap dans le film. Pour dire. Ouais, voilà. Mon avis, mais même ça, c'est raté en fait. Ouais, mais voilà. Ça peut pas marcher. En fait, tu peux pas capter les fans du truc. Le débat pour dire le niveau, problème de budget déjà avant, parce que ouais. Tu dis que la mise en scène. La mise en scène est comme t'avais dit, Anthony, en fait, c'est une longue bande annonce ratée. Ouais, c'est ça. C'est une grande bande annonce. C'est nul en fait. Tu t'emmerdes. Le 2 est prévu apparemment. Sérieux? Ouais, parce que. Alors, on va spoiler le truc. Comme ça, vous pas. Est-ce que le public visé, c'est pas non plus les ados? Non, le public visé, c'est ceux qui aiment bien, parce que Death Note, ça s'est terminé quand. C'est les fans de Death Note, le public visé, normalement. Putain, moi, je devais être au lycée. Ouais, mais il faut voir si le public majoritaire de Death Note, le manga, est-ce que c'est 4 ans, comme ça. Donc. Ah non, Death Note, ça s'est terminé hyper... Oui, non, mais justement, je dis, ils étaient déjà finis. Il y a hyper longtemps. J'ai regardé sur l'internet multimédia. Mais pour te donner une idée, toi qui ne l'as pas vu, Death Note, le film de Netflix par rapport au manga, c'est un peu Dragon Ball Evolution par rapport à Dragon Ball. Ouais, carrément, ouais. C'est un peu ça. Donc voilà. Très mal pour c'est un peu ça. Okay. Mais vraiment, ouais, oh là là, Et c'est fort dommage parce qu'il y a tellement à faire avec cette histoire. Et c'est avec clair, mais même en série. En même série Netflix, ouais. Ça ouais, ils auraient pu faire une série de ça ouf. Mérite ouais, pas, si vous voulez, ça ouais. Mérite pas. Bah, sinon, regardez Dexter, hein, c'est à peu près la même histoire. Non, pas du tout. Bah, ouais. Non, il y a des dieux de la mort. Ils tuent des meurtriers. Je crois pas qu'il y ait des. Trouver que les deux premiers épisodes de l'animé, ça aurait mérité d'être une saison entière en fait. De la découverte du Death Note, le fait de se dire bah, je peux m'en servir, de s'en servir, puis petit à petit de sombrer de plus en plus. Alors que là, tout ça, c'est en un épisode. Après, c'est ce qui rend aussi light intéressant, mais sauf que ça va beaucoup trop vite. Et le premier épisode, franchement, ça pourrait être une saison qu'on loupe rien. C'est vraiment la partie d'échec qui est intéressante. Oui, après, clairement, les deux, c'est une série. Tu fais pas une adaptation d'un film, enfin, une adaptation comme ça pour un manga qui est terminé en 2007, enfin 2006. Ouais, Dragon Ball, ouais, ils ont fait le film. C'est vrai que je sais pas pourquoi c'est maintenant qu'il est revenu à la mode. Et du coup, aussi, les mecs. C'est pareil pour Dragon Ball. Ouais, parce mais il non. est arrivé sur. Non, sur non mais c'est parce que. À partir du moment où il est arrivé sur Netflix, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mis à regarder. Ouais. C'est... Faut ouais, ouais, c'est... Ouais, nous, en France, on est beaucoup plus amateurs de manga que les Américains. Donc souvent, par exemple, nous, Dragon Ball, on a été fans dès le départ. Les Américains, ils ont été fans très très tard du manga. C'est pour ça que le film est arrivé plus tard. C'est sans doute la même chose pour Death Note. Oui, bah, je pense que c'est à peu près la même chose. C'est la vie des choses. Il y a des choses qui reviennent à la mode comme ça. Des fois, on ne comprend pas vraiment pourquoi. C'est la vie des choses. C'est beau ce que tu dis. J'ai envie de pleurer. Oh, c'est la vie des choses. La vie trouve toujours une voie. La vie trouve toujours un chemin. Bon, donc. Bah, c'est de la merde. On recommande de ne pas le regarder. Attends, ça c'était dans Jurassic Park, ça, non? Que vous ayez vu l'animé, que vous ayez lu le livre ou pas, dans tous les cas, ça vaut pas le coup. Si, moi je dis, regardez-le, une soirée nana entre potes. Les japonais, en même temps, c'est sur Netflix, donc si t'as Netflix, c'est parce qu'il y a tous les clichés. Ah, ça c'est vrai, ça coûte de perdre une heure et demie de ta vie, mais bon. Mais ouais, déjà, un film, c'est trop. Ne prends pas l'abonnement Netflix pour ça, quoi. Après, ah oui, non, clairement pas. Ils ont annoncé un deuxième, mais il y a les japonais déjà qui avaient fait trois films, je crois. Ouais, il y a trois Death Note qui étaient. Ah, il y avait déjà eu ouais, y a pas des top, les live action qui se rapprochaient déjà plus du manga. Mais ça suffit pas, c'est une série qu'il faut, c'est pas un film. Enfin, ouais, c'est tellement par contre, les films japonais ne sont pas sortis sur Netflix. Non, ils n'ont pas les droits. En fait, les films, ils sont. Moi, j'en ai vu qu'un moi, sur les en Jap. Et ça se rapproche vachement plus des animes. Franchement, c'est vraiment bien foutu. Ouais, t'as Ryuk, tu le vois beaucoup. Mais je les ai trouvés vraiment bien. Et là, dans le film, même Ryuk, il est tout pourri. Il est tout le temps. Ouais, il est tout le temps derrière. Il sert à rien. En plus, il est pas beau. Ouais, il a des grandes mains. Enfin, il est mal fait, quoi. Ouais, il est mal fait. Il est un peu en carton, quoi. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Son animation, ouais, c'est ça. On a l'impression qu'il est dans un costume. C'est un mec qui est dans un. C'est un mec qui est dans un costume. Ça se voit. C'est. Ah, moi, je pense c'est un 3D. Dans le. Ah non, ça fait Power Rangers. C'est peut-être un mec en costume qu'ils ont amélioré en 3D. Ouais, il y a de la CGI. Dans le film japonais, vous parlez ? Non, dans le film américain. Ouais. C'est dommage parce que c'est Willem Dafoe qui était un très bon choix pour. On pouvait s'attendre à quelque chose de bien et en fait, bah non, même pas. Non, même le seul point positif auquel on pouvait s'attendre, bah non. C'est clair. C'est dommage. Ouais. Ok, donc bah Death Note tout pourri. Voilà. Mais regardez l'animé. Regardez l'animé. Oui, l'animé est dispo sur Netflix en. Bah non, il est dispo. Voilà. Sur l'animé, Ryuk, il est très important. En plus, on sent que c'est lui qui dirige un peu les choses. C'est lui qui fait tomber le Death Note. On apprend qu'il le fait volontairement. Il y a plus d'infos. Il y a d'autres dieux de la mort aussi. Ouais, c'est ça. Ils n'en parlent pas du tout. Mais dans ça, il y aura peut-être dans même pas un film. Quart de ce qu'il y a dans l'anime peut-être, dans le film. Ouais, mais dans peut-être cas, dans le second film. Je vois même pas comment ils peuvent faire un second film. Comment ça Non, mais ils vont pas faire qu'un seul film. Non, mais je vois même pas comment en fait. Comment est-ce qu'ils pourraient faire un second film? Bah, c'est. Je pense que dans le second film, il va y avoir la meuf qui va arriver avec la meuf. Sa copine, elle est déjà là en fait. Ouais, mais ça sera pas elle, ce sera une autre. Sa copine, elle est morte. Ok. Allez, bye. Voilà, je voulais en arriver là en fait. Non mais il m'a provoqué. Comment je pouvais. Du coup, là, vu que c'est une fin ouverte, ils peuvent faire un deuxième film. Mais par contre, la première mort, moi, franchement, ça m'a fait penser à Destination Finale. Non, mais c'est qui morts, la première mort maintenant, la première mort, le mec. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça va spoiler. C'était ridicule. Faut. Attends, d'un côté, ceux qui n'ont pas vu le film, ils ont rien compris. Oui, ça. Et regardez Destination Finale. Non mais oui, ceux qui ont compris, ils ont vu le film déjà. Donc les morts, elles sont tellement exagérées. Enfin. C'est nul. Ouais. Mais c'est trop drôle. Nasty movie. Oui, mais c'est ça. Un mais peu comme ce film turc là avec le. Peut-être que ça marche aux États-Unis. Oui, oui, voilà. Ouais. C'est un peu ça. Elle c'est qui peut être un câble à la fin. Mais j'ai. Mais peut-être que ça marche aux États-Unis. Mais on peut raconter. Sûrement, on ne recommande pas. Donc du coup, regardez pas. Bah c'est. Oui, on raconte à la fin. C'est la contre-recommandation. C'est ça. C'est le gain de temps. Oui, elle qui pète un câble, t'as raison, elle il perd totalement ce. Comme ça vous allez pouvoir lire une BD. Alors que vraiment dans l'animé il est toujours hyper sérieux, même quand il sait pas, quand il connaît pas la réponse ou qu'il sait pas ce qu'il doit faire, il réfléchit, il reste posé et dès qu'il sait, après il agit. Versus et alors que là c'est une grosse tapette, il a peur tout le temps. Homophobie, stigmatisation des tapettes. Pas une tapette, monsieur, comme ça la police. Tu mettras un bip au montage. Mais bon, c'est vrai que c'est une tapette. Voilà. Ouais. Bon, ok, bon, bah, c'est bon pour autre chose à dire sur. Il n'y a pas de contre, d'autres contre Rocco. Non, je crois que c'était la seule. Si, le dernier album de Queen of Stone Age. Putain, vas-y, moi, je me barre. C'est album de. Je me barre. Okay, bon, allez, on passe à la partie numéro 3. Qui est Party number 3. Merci, Ranjit, partie number 3. En fait, la partie numéro 3, il n'y en a pas, donc on va la faire ensemble. D'accord. Alors, je vous explique. D'accord, je croyais qu'il fallait qu'on réfléchisse à un principe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous écoute. On se fait une bonne paille? Non. Je suis chaud. Je suis méga chaud. Moi, j'aime bien, c'est ça. C'est genre, ah, voilà. Tu fais des jeux de société? Ah ouais, genre la bonne paille et tout. Enfin, podcast, non, pas trop. Non. Podcast audio de Monopoly. Non, en fait, j'avais plusieurs idées pour. Je ferais peut-être des recommandations de vrais jeux de société, tiens, la prochaine fois. Bah, pourquoi pas, ouais. Oh, restez, n'hésitez pas à écouter le prochain épisode. Et vous en faites quoi? J'ai tellement de jeux de société. Ah putain, vous en faites des soirées du coup. Mais je recommande le Burger Quiz de l'Anse. Je suis chaud pour des soirées jeux de société, j'adore ça. Moi j'ai un ami qui bosse à la bibliothèque. Monsieur, un ami. J'ai un ami. Il a des relations. Le bras long, il a le bras long. Et du coup, en fait, à chaque fois, on fait des jeux de société, enfin tous les dimanches ou samedi. Je suis méga chaud. Et du coup, on fait ça. Samedi ou dimanche, plutôt après-midi, plutôt matin. Plutôt barbecue, plutôt bouffe. Parce que le dimanche soir, il y a la séance. Ouais. Et on peut regarder un Destination Finale. Allez, parce qu'il connaît pas. Tu connais pas Destination Finale? Je connais, mais je l'ai pas vu quoi. Putain, faut regarder ça. Ça nous éloigne beaucoup de la. Mais Adrien, je te prenais toujours pour un grand cinéphile qui a regardé tout ce qui est connu, tu l'as vu, et puis au final, tu t'as pas vu Léon. Final, t'es un connard. Ouais, je peux pas tout regarder. T'as vu Jurassic Park ou pas? Oui. Ah, ok. T'as vu Star Wars? Oui, non, mais Destination Finale, même si j'ai pas vu, je classe pas ça dans des films. Ouais, c'est génial comme celui-là, t'as pas regardé. Attention, monsieur. C'est pour ça que j'ai pas regardé. Attention, non, c'est de la merde en fait. J'ai vu que ça. Voilà. Non, mais pour que c'est une soirée nanar quoi. Non, ah non, mais je suis chaud pour une soirée nanar. C'était juste. Est-ce que t'as vu Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Non, mais. Oui. Est-ce que t'as vu. Je te prêterai. Tu veux tous les faire? Ténucheusy. Est-ce que t'as vu. Avant Hein? J'avais vu avant toi, je crois. Ah oui, je l'ai vu. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ça part en clash. Bon, bref, donc troisième partie. La troisième partie, c'est ça. On discute. On la troisième partie, en fait, j'avais plusieurs idées, mais je peux pas. Si, vas-y, dis. Ce sera un peu expérimental. Donc pour la prochaine, je propose quelque chose. Clairement, on fait de l'expérimentation. On n'est pas du tout assez nombreux, du coup, ça peut être très drôle. En fait, je voulais faire. Tu prends des photos de la table, c'est ça? Un gag visuel à la radio, c'est beau. C'est très bien. Non, je voulais proposer des petites expériences, des petits défis à faire pendant une ou deux semaines. Et puis. Ah, pendant deux semaines, tu vas me dire de ne pas utiliser Internet? Un truc comme ça. Je suis chômeur. Hein. Il faudrait qu'il y ait au moins deux qui acceptent de faire ces expériences. Moi, je peux pas de par mes. Non, mais vas-y, balance. Non, mais balance, c'est ça. Balance comme t'as dit. Il y a par exemple le truc tout bête, c'est juste vivre. Allez, on se dit ça me va. En vrai, je suis méga cap. Ça me va. Non, sans Internet ni smartphone. Ah, c'est absolument impossible. Un téléphone, tu peux, mais tu vois. Absolument impossible, pourquoi? Mais de faire des études. Mais arrête tes études, enfin, à un moment donné, tu mets tout en pause. Voilà. Alors, non, mais on peut mettre, pas d'internet ni de smartphone dans le cadre privé. À la limite, pas Facebook. Oui. Tu dis pas Facebook, déjà, c'est chaud. Tu utilises. Privé, genre les. Non, mais le petit défi par rapport à. Genre un blog ou un site web, c'est privé ou pas? Ah, d'accord. En fait, il faut rester social, mais sans les outils sociaux. Le défi, voilà. Ouais. L'expérience, c'est de vivre sans internet ni téléphone, enfin, ni smartphone. Social, mais injoignable. Mais le défi de cette expérience, c'est d'organiser une soirée. Donc, pas de Facebook pour faire le Facebook event, pas de SMS, juste du téléphone, tu vas voir tes potes. Tu deviens témoin de Jéhovah, en fait. Ouais, tu sonnes. Oui, mais par contre, faut téléphoner. Pigeons sont autorisés. Faut téléphoner ou faut envoyer des cartes postales. On peut s'envoyer des cartes postales. Hein. Oh, par mail. Moi, je peux t'envoyer des signaux de fumée depuis ma fenêtre. Non, pas internet. Pas internet. D'accord. Ah oui, donc faut téléphoner. Est-ce qu'on peut contacter Queen téléphone. Pour qu'elle fasse une chanson? Je suis méga chaud. Qui veut dire que je vous invite à une soirée. Qui c'est qui est chaud pour faire ça? Oula, moi je suis chaud. Tellement pas. Moi, qui est chaud là? Moi, faire une soirée avec que des appels. Et surtout, la soirée, par contre, tu mets genre un saladier quand tu rentres dans la maison et tu mets tous les téléphones dedans. Comme ça, personne garde le téléphone en main. Je pensais qu'il allait partir là-dessus. On fait un petit truc, on se retire pas. Par contre, la soirée, on pourra pas le faire de notre appart. On a des voisins en dessous qui n'en peuvent plus de nous. Au-delà de faire la soirée, il faut aussi que pendant une petite semaine, tu n'utilises pas en dehors de ton boulot. Ah! Ni internet, ni smartphone. Ah, mais c'est pas possible ça pour moi. Justement, c'est le défi social. C'est pour ça que ça m'étonne que tu. Non, mais t'as le droit de. Si tu dois l'utiliser ton boulot, pour ton boulot, tu peux, mais. Genre, il travaille. Moi, c'est compliqué. Ouais, après, c'est pas possible, parce que forcément. Cherche un taf. Ouais, je vais chercher un travail, j'ai besoin d'internet. Même sur Facebook, pour le smartphone, je peux clairement, j'ai quand même plus ou moins l'habitude. Oui, parce que t'as pas de smartphone. Vas-y, fais. À part mon iPod que j'ai réanimé il y a deux semaines. Ça aide. Ça peut aider. Je peux m'en passer. Je peux me passer du Xbox Live. Ouais, moi, parce que mon abonnement a terminé hier. Non, ce matin. Donc ça, bon, je peux m'en passer. Bon, alors, dit, est-ce que tu peux passer pas de Netflix le week-end prochain. Ça va ou pas? Je suis pas joué. Ouais. Allez. Bon, ça va. Dimanche, à partir de 20h. Ouais, ça va. T'avais que ça comme première expérience. Ça va finir en panne de SMS pendant 20 minutes. Ouais, non, c'était juste l'idée de ce genre d'expérience. Mais c'est vrai que c'est. C'est vrai que c'est pas. Moi, j'ai un pote qui fait ça. Il fait, genre un mois de. Un mois de pas de Facebook, par exemple. Ouais, non, c'est chaud. Et il envoie un petit message, il fait bon, bah, à tout le monde, à dans un mois. Puis après, il revient. Puis, d'accord. Et ça n'empêche pas de garder contact, en fait. Il y a des gens qui font ça aussi, pendant un mois, dire que oui à tout le temps, à tout le monde, etc. Des petits défis. Ça amène des gros problèmes. Ça peut être pas ça chez vous. Ah, par contre, non, mais il y a un mec justement qui a fait tout un reportage comme ça sur YouTube. T'es chaud pour le faire, toi ? Tu veux dire oui ou pas ? Je veux bien. Mais toi, tu peux pas, pour tes études, pareil, encore une fois, tu peux pas dire oui à tout. Si ? Bah non. C'est une bonne idée, ça ? Oui, au contraire. Ouais, non, je peux. Et genre, ouais, moi, on t'invite à une sortie, comme ça, n'importe quelle sorte, tous les soirs, tu sors, quoi. Ah, j'avoue, ça, pas vrai, non. Mais oui, non, mais c'est pour ça que en plus, il y a ça. Des potes qui vont faire chier, qui vont faire exprès. Oui, bah, moi, par exemple. Nous, les premiers. Un petit Rocket League, sauf si c'est tous les deux, ça fait pas une espèce de... On peut s'organiser. Ouais, mais lui, il s'en fout. Genre, si on lui propose une soirée, il va dire oui, il va s'en foutre, il va y aller. Et moi, ça m'embête. Pas que je suis asocial, mais sociable. Oui, c'est chaud, quand même, parce qu'en fait, quand tu poses cette question-là, genre, pas d'internet, c'est impossible. Mais c'est en là fait, qu'on voit notre rapport au numérique. C'est plus... Non, mais est-ce que c'est pas l'émission Wires ? On pouvait plus vivre sans le numérique. En fait, c'est ça, c'est-à-dire avant, on pouvait avoir une vie sociale sans internet. Enfin, c'était plus facile parce que c'était le cas pour tout le monde. Alors que maintenant. Tu parles de nous quand on était petit ? Non, tout le monde. Avant. Ta gueule. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors que maintenant, tout le monde passe par Facebook ou ce genre de choses. Et du coup, je veux dire, moi, le trois quarts de mes potes, j'ai pas forcément leur numéro de téléphone. Et je suis obligé de passer par Facebook pour mal de choses, etc. Par contre, tu fais plus de téléphone, en fait. Enfin, t'appelles plus. Bah non, très peu, sauf ma maman. Et moi, tout à l'heure. Petite dédicace d'ailleurs. Dédicace à mère. Mais il parlait de toi. Dédicace. Mais voilà. Donc, du coup, on est obligé de passer par ce genre de choses si on a envie de contacter les gens. C'est genre. Je vais m'en passer. Hein. C'est marrant ce petit débat là pour la seconde partie. Genre appel illimité. En fait, tu t'en fous. T'es la fin du tout début du Wire. J'ai que 2 heures. Je suis plus vieux des Wire. Parce que moi, j'ai connu le monde sans internet, contrairement à vous. C'est vrai, moi j'ai connu AOL. Je suis pas sûr. Super, attends, je suis pas sûr. Non, moi aussi j'ai connu le monde sans internet. Tous les deux on a connu le monde sans internet. Moi j'avais AOL où t'avais, quand tu l'allumais, t'avais le temps. Bienvenue sur internet. Vous avez des emails. Avec le bruit. Mais trop bien. Ah, c'est pas toi qui fais la voix de Avast aussi pour te dire que la base de données a été mise à jour. Avec le. Comme ça. À bientôt. Est-ce que moi j'ai vraiment une question? Est-ce que vous pensez que quelqu'un dans le monde est déjà mort d'une crise cardiaque? Oui. Survenu après le message de Avast. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Moi, je pense qu'il y a moyen. C'est une vraie question. On a tous été surpris. Tu as la réponse? Non, j'ai pas la réponse. On a tous été surpris. La base antivirale a été mise à jour. Avec l'enceinte à fond, on a tous failli mourir. C'est quand là où tu fais vraiment une crise cardiaque, c'est pas quand t'as le son de Avast qui se met à fond. C'est quand t'as le son d'un film porno qui se met à fond. Ah oui, là. Là, tu fais une crise cardiaque. Moi, j'ai même plus Avast. J'ai même plus de porno depuis longtemps. D'ailleurs, tant qu'on parle de porno, je viens de découvrir qu'il y a. Nous, on a connu le porno sans internet, nous, les gars. Je rebondis sur ça. Encore une dédicace à maman après. Il y a le Free Porn Day, je connaissais pas du tout. C'est tous les 8 septembre. Merci, Combini. Non, c'est. Le 8 septembre, mais c'est demain. C'est demain. C'est la Saint-Adrien, putain. Mais ouais, c'est peut-être un signe. C'est demain. Et qu'est-ce qu'on fait Alors, je n'ai pas regardé les sites, je me suis pas vraiment renseigné. Oui. J'ai vu ça, genre, juste tout à l'heure. Tu t'y es pas penché? Je crois que c'est le sur le site du studio Bagel, il parlait de ça, genre comment s'échauffer avant le Free Porn Day et tout. Free Porn Day. Et c'était quoi, du coup? Et visiblement, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Moi, je connaissais pas. Et c'est sur les sites où le porno est payant pendant une journée et c'est gratuit. Ah, genre sur Dorsal et tout. Ça va se masturber le c'est pas mal, ça. Qui va sur des sites payants? Pas moi. Mais c'est des sites gratuits où tu as un abonnement qui est proposé. Ah, je connais. Je ah. Et sinon, est-ce que vous saviez, petite info encore, même, porno... Relaté. En fait, porno chic. non, que Sense8, la saison 3. Oui. C'est du porno. X-Hamster. Ouais, X-Hamster. Exactement. Ah oui, a payé. Proposé. Ah, non, ils ont il a proposé. Ils ont, ils ont payé. Ils ont fait le chèque hier soir, j'étais là. C'est vrai, t'étais là. Ouais, t'as j'étais le... là. Ils ont marqué X-Hamster. Sur le... Ils ont dit, mais Romain, t'es d'accord? J'ai dit oui. Il a dessiné le petit hamster. C'est ça, ils proposaient de diffuser ça sur leur, sur leur plateforme. Ouais, alors, pendant qu'on est dans ce domaine-là, ouais. Le film du coup, Vaiana ouais. de Disney, il n'y a pas longtemps. Vaiana. En version italienne, il s'appelait je ne sais plus comment. Enfin non, il... Si, je ne sais plus comment. Je recommence. Le film Vaiana en version française. En version originale, je ne sais plus le titre du film, mais en Italie, c'est le nom d'une actrice porno très connue. Et du coup, il y a des petits blagueurs qui ont... uploader le film en entier génial, sans rien du tout sur YouPorn et Pornhub, etc. Donc les parents ils téléchargent pour les gamins et puis ils ont qu'à pas télécharger et puis c'est voilà, pas grave. Ils ont qu'à acheter le truc. T'as pas compris ce que je viens de dire? Non. D'accord, je recommence. Moi j'ai compris. En gros, il y a des gens qui ont uploadé du coup sur des sites porno le film mais en mode normal. Genre comme c'était le nom d'une actrice porno italienne, du coup, dès que les gens tapaient, les Italiens tapaient le nom de leur actrice préférée, bah, ils tombaient sur le film, mais normal, le film Disney. Quoi, oui, d'accord, mais en fait, j'avais compris tout à fait. Hey, d'accord. Bah, c'est bien ce que je... Et du coup, c'est marrant. Ah, enfin, je crois. Bah, dans l'autre, c'était plus marrant dans l'autre sens. Oui, c'est sur Emule que ça qui se passait. Oh non, je voulais me branler. C'est du porn. Oh non, je trouve ça trop mignon. Je suis obligé de regarder un film d'une heure et demie. Tu sais, c'est du porn. Je vais appeler mes gars. De mon papa qui téléchargeait des films sur Emule. On voulait le regarder en famille. Et puis, un bon porn qui commence. Je crois que c'est la même équipe de la Reine des Neiges. On me dit, qu'est-ce que c'est ça? Vaina, c'est genre. Mais du coup, il y avait le machin. Non, Island, il était vachement bien. Il était très très bien. Ah, il était super. Et du coup, on recensait les films et tu pouvais directement cliquer dessus et du coup, t'étais sûr de tomber sur le bon film. Tu peux isoler les pistes. Pour la prochaine émission, ce sera un truc à gérer. Il faut pas parler de plusieurs conversations. Ouais, c'est hyper. Faut que tu fasses ton boulot de médiateur et d'organisation. C'est hyper compliqué. En même temps, là, c'est une rubrique qui n'existe pas. Oui, c'est vrai que c'est un peu un débat. Je trouve que tu vas tout couper. On sait pas. Sans doute, la troisième partie, je la couperai. Du coup, là, on parle pour un truc qui n'existe pas. Pour ne rien dire. Ah putain, c'est cool. Pour le plaisir. Mais c'est drôle. Pour le plaisir. Et c'est qui chantait non, ça Saturne, c'était Herbert Lénard. Herbert, ouais. Herbert, si tu nous écoutes. Ça m'étonne. Ouais. Ouais, on peut le tweeter, on sait jamais. Donc du coup, non, là, on abandonne l'idée de, du petit défi. C'est chaud, pas très social. Numérique. Moi, je veux bien. C'est ça, si t'avais d'autres défis. T'avais d'autres défis qui rentraient dans la même case du numérique. C'était la même chose. Et est-ce qu'on peut faire l'inverse? Genre, être obligé d'envoyer des messages à tout le monde tous les jours? Je le fais déjà. Ouais, mais toi, tu veux pas le faire, tu proposes, mais toi, t'as pas envie d'être coupé. Ah, ou alors. Bah, attends, attends. Je pourrais le faire, ouais. Non, mais Mike, déjà pour le joindre, c'est la merde. Déjà. J'ai dû d'installer WhatsApp déjà, ouais, uniquement en fait, pour lui. Je suis sans doute d'ici le plus coupé d'internet. Enfin, le plus coupé, entre guillemets. Le... Ouais, mais ça n'empêche pas de garder contact. Internet, et... Donc, ce serait pas drôle. Je peux le faire, mais ce serait pas drôle parce que moi, ça me changerait pas mon quotidien. Très bien. D'accord. Je trouve très présent sur les réseaux sociaux. Alors que Yann Barthès a changé son quotidien. Il faudrait faire l'inverse. Il faudrait que tu sois énormément présent sur les réseaux sociaux. Surtout qu'il y a une très grande mode de te taguer sur les trucs qui parlent de chauves en ce moment, j'ai l'impression. Ouais, Après, bon, si tu. Tu vois, il fait mal au crâne. Parce que pour les auditeurs, Mike. Faut que je t'enfile un autre. C'est beaucoup c'est trop. Un gros problème. Ça n'arrête pas de saturer en fait. C'est plein de pointes. Dès qu'on parle tous en même temps, ça se trouve, ça depuis le début. Non, je regarde, je vois, c'est des pointes. Quand on crie. C'est des points de sèche. Comme ça. Ouais, ça sature pas, mais. Non, par contre, ce qui peut être drôle à la limite, c'est. C'est de faire du sport tous les soirs. Moi, je peux le faire si tu veux. Ouais, aucun rapport. Ouais, et puis on prend des photos. Une soirée. Non, mais. Manger des yaourts. Ça, ce serait drôle, manger des yaourts. Non, mais c'est un défi. Moi, ouais, mais faire, tu veux dire quoi après? Bah, maintenant je suis en forme, je suis musclé, quand je cours, je suis plus fatigué. C'est trop bizarre. C'est ça parce que je le fais déjà. Organiser une soirée juste avec des appels ou alors organiser une soirée juste en allant voir, genre en le disant, genre juste. Voilà, moi, le but c'est que ce soit un petit peu lié au numérique quand même. Quand ouais. On se dise. Parce que Wires. Parce que Wires, voilà. Parce que Wires. Parce que c'est notre monde, donc on se dise, est-ce qu'on est capable de vivre sans numérique? Parce que le jour où il y aura les zombies, qu'il n'y aura plus de numérique, on fera comment pour organiser les soirées? Je m'en fous, il y a en revanche, moi je veux bien essayer de me couper de mon portable. Pas d'internet, genre je peux aller sur Facebook, etc. Oh mais pas de portable, zéro portable. Ah, zéro smartphone, mais ouais. Ordinateur. Ouais. Ouais, là, ok. Parce qu'en plus, t'en as quand même. Mais ça va être quand même chiant parce que j'ai des trucs à régler, etc. Non, mais ça va être trop compliqué. Moi, bah, je peux faire. Tu proposes et tu freines, quoi. Ouais, super. Non, ou alors, qui c'est qui a le plus d'amis sur Facebook, là? Qu'on fasse un concours de bide. Alors, je pense que c'est moi. Des vrais amis ou alors des. Le mec qui a le plus d'amis, il les contacte tous. Tout le temps? En permanence? Mais je... Non, faudrait trouver un défi comme ça. Il me faudrait, sans déconner, 3 semaines pour contacter tout le monde. Moi, je sais même pas. J'en ai moins que Denis. Attends, je vais regarder. Que je... Oh, défi. lire tous les mails de la boîte de mails. Le truc, c'est que genre, c'est des gens, par exemple, que j'ai rencontrés milliards jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a beaucoup à qui je parle plus. C'est-à-dire, j'ai pas 800. C'est ça qui est drôle, c'est d'aller contacter les gens avec. Ah, mais là, il me faudrait 10 ans. Je crois que j'en ai 860 aujourd'hui. Mais tu fais une conversation groupée? Genre, tu parles à deux gens, tu organises une soirée avec tous tes contacts Facebook. Mais tu dois les contacter un par un pour les inviter personnellement. Mais ils se sentent à chaque fois, ça a été des gens avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai été plus ou moins ami. Mais tu peux voir ça où en fait? Ils ont enlevé ces connards. Non, tu vas, dans. Tout le monde qui peut énerver. Tu vas dans amis. Ah, les bâtards, ils ont enlevé. Eh bah oh. Merde, ah, je casse tout. Alors. Ah, tu vois. Hein. Personnellement, moi, je le vois direct là, ici. Donc. J'ai combien? J'ai 874. Allez, concours de bite. Concours de bite. Mais non, mais si je vais dans amis, moi, je le vois pas. Moi, je gagne celui qu'on a le moins. Attends, vas-y. En général, celui qu'on a le plus, c'est celui qui est. Moins plus ou moins 150. Quand je dépasse 150, j'en supprime. D'accord. Genre, tu vois, genre, je suis là sur mon profil. Moi, je crois que tu en 30. Tu descends, ok, tranquille. Ah, ouais, 555. Moi, j'aimais bien si. Interstellar. Un café, les gars. Eh, regardez, j'ai même un noir et un gros. Et bien, moi, définitivement, on voit... cette troisième rubrique, je ne t'y serais pas. On voit Mike Durden, on voit Mike Durden directement. Mais tu peux pas savoir combien j'ai d'amis normalement. Si, combien, bien sûr que je peux savoir. 264. Mais je sais tu en as 12. 12 amis en commun. Et mais tu peux pas savoir combien j'ai. Ah, j'en ai 170. Non. C'est mon record. Tu peux voir tous. Ah non, je peux. Ah non, okay. Il y a exclusivement des femmes. Okay, hein, ouais. Vous pouvez le voir. Okay. Du coup, je pense que je vais supprimer. Que des femmes. Que des femmes. Que t'as combien? 170. Bon, ça donne pas de. Voilà, ça t'as combien toi du coup? 264. Ouais, je vais pas contacter. Ce qui est bien, 174, mais pas toi. Je suis deuxième. Je suis deuxième. Alors que 100 personnes, ça peut être sympa, tu vois, déjà, franchement. 100 personnes, 170, c'est faisable. Attends, une fête 100 personnes, c'est pas mal. Genre, coucou, qu'est-ce que tu deviens? Tu envoies ça absolument tout le monde, sauf ceux à qui tu parles ouais. Depuis récemment. Et t'as pas le droit de faire de script. Interdit. De script c'est pas scripting. Ah, oui, ouais, donc, du coup, c'est bon. Non, mais d'automatiser le machin, sinon c'est trop simple. Faut que tu te fasses chier à écrire. Oh non, mais c'est pas grave si script le truc. C'est pas grave. C'est-à-dire, genre, il faut juste qu'au moins le message soit envoyé et qu'il réponde à ceux qui. C'est marrant, nous on rigole. Bah, nous on rigole, toi. C'est blague de développeur. À la limite, moi je peux le faire, du coup je script tout le monde et puis j'envoie au 800, salut, qu'est-ce que tu deviens? Et c'est chaud. Et là c'est horrible. Et là c'est pas l'idée de base. Il faut absolument que je réponde à tout le monde à chaque fois, sachant qu'il y en a qui viennent d'ajouter qui sont chinois, qui débutent à Polytech, qui vont rien comprendre. Qu'est-ce que tu dis alors non, j'ai une idée. Tu invites que tes contacts chinois. Oh non. Que tes contacts qui ne parlent pas français. Que tes contacts qui ne parlent pas français, on fait une soirée avec eux. Ouais, mais il y en a qui sont rentrés depuis chez eux, genre au Mexique, etc. Tu vas aller chercher. Bah, tu vois, ouais. Mais par contre, t'as pas le droit de leur téléphoner. Hein. Tu vas aller chercher direct. Revoir, tu les demandes tous en mariage. Allez. Moi, je Il y en a, c'est des copines de potes. C'est chaud, quoi. Par contre, on peut essayer de faire un défi entre nous, une petite compète. Qui a la plus grosse. Ouais, je pensais à la même chose, mais non, c'est mort. D'aller c'est... vers des gens qu'on connaît pas du tout, etc. Et genre, au bout de la prochaine édition, je sais pas quand c'est, celui qui a réussi à ramasser plus de nouvelles amis Facebook. Ah non, moi c'est chiant en fait. Je pose trop de à la fois perso trop emballé et beaucoup pas du tout emballé. J'en enlève plein. Il y a moyen que je gagne. Moi j'en enlève non, mais après plein, tu les supprimes. C'est juste pour là. Si j'ajoute tous les trois. Genre un mec dans la rue, tu fais bonjour, est-ce que je peux vous ajouter sur Facebook? Moi si j'ajoute tous les clients du tram, alors là. Je gagne. Hey, mais est-ce qu'ils accepteront alors? Moi, c'est. Bah, bien sûr. Ouais, faut que ce soit validé. Mon cœur t'a validé. Ah, j'ai pas le... Trop tard. Bon, ok. Bon, bah, je trouverai une autre idée pour. pour la prochaine fois, alors. Non, mais c'était intéressant. Non, mais l'idée n'était pas mauvaise. Mais j'aime bien cette idée-là, mais c'est tendu en fait en fonction des activités. Non, mais c'est pour ça que je pensais qu'on serait plus nombreux et je me disais, il y aurait sûrement. Et puis surtout, par rapport au numérique, c'est vrai que c'est compliqué. Honnêtement, c'est pareil. On est les moins intéressants pour ça. Justement. Le plus intéressant, c'est vous, le fait qu'on puisse pas relever les défis, c'est on est vraiment des warriors. Non, mais justement, justement, vous êtes le plus intéressant parce que là, vous pouvez pas accepter ces défis. C'est vrai. Non, on peut pas. Ouais, mais là, c'est plus que. C'est pas de la volonté, c'est de vraiment. Si non, je fais ça, c'est je professionnel. Me dans la merde, pour le coup, c'est professionnel. Tu vois. C'est... Nous, on est pro, tu vois. C'est là où on voit que du coup, c'est pas ça nous dépasse. Nous, c'est vraiment c'est le métier, les études, les voilà. Tout est en fonction de ça aujourd'hui. Et voilà, c'est quelque part, c'est intéressant d'en avoir parlé parce qu'on est obligé de ça. Non, tu peux aller à Pôle emploi tous les jours à 8h du mat. Bah, vas-y. J'ai expliqué mon métier, ils n'ont pas compris. Ils ont fait bon, bah, au revoir. Vous êtes youtubeur. On vous reverra plus jamais. Bah, non. Bon, bah, ok, bah, tant pis. La grosse déception. Non, bah, on a plus parlé de toi. Après, oui, non, genre, ne pas utiliser Facebook, ouais, je peux, ouais. Oh, ouais, voilà, des trucs raisonnables. Wow. Comme ça. Oh my god. Je m'en fous, je suis sur Twitter. Ça, Facebook. Alors, Facebook, ah, moi, c'est un peu au niveau professionnel, c'est chaud pour moi. Ah non, moi, Facebook, je peux carrément. Moi, je peux, moi, j'en ai rien à foutre. Facebook, en soi, ça serait possible, c'est juste relou parce que trois quarts de trucs sur le cours, etc. Pour l'instant, c'est sur Facebook. Parce que. Ah, vous faites tous vos trucs sur Facebook. Pardon. Ouais, il y a pas mal de trucs sur Facebook, on se partage énormément de choses. C'est fou quand même qu'il y ait vachement d'étudiants en fait qui bossent là-dessus, quoi. Faut faire des petits groupes, des petits machins. Bah, c'est plus pratique que d'avoir 50 outils différents, genre ouais, un pour un pour les machins, c'est-à-dire genre ouais. Mais t'as pas un Slack ou un machin comme ça? Groupe secret. Bah, j'ai un Slack, mais pour d'autres trucs encore avec une l'asso étudiante de Polytech. Ouais. Moi j'ai un Slack, mais c'est pour transporter mes affaires, c'est un Slack cadeau. Merci Romain. Allez, vas-y. Je balance le prénom hein, pour que les gens s'habituent. On l'avait jamais faite celle-là. Non, mais ça m'étonne en fait d'avoir. On a tous rigolé. Donc, assumé. Ah, vous avez aimé la blague et puis c'est tout. Vous avez aimé la blague. J'ai même fait. Reviens. Le mec se barre carrément. Et la rage quit. C'est la rubrique bonus qui sert à rien. La rubrique pour du beurre, comme on disait. Non, qu'est-ce qu'il faut par contre, tu pourras juste mettre ma blague. J'en suis assez fier. Oui, je leur calerai au début de l'émission pour en générique. Oh, grave. Il faudrait demander. Attention, bientôt. Non, par contre, les gens, ils attendent le moment. Par contre, on pourrait demander ouais, des défis à la con. Vu qu'on est un peu tous, justement, connectés, machin. Ouais, il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux. Bah, non, mais genre, tiens, filez-moi. Il faut qu'il y en ait au moins deux qui fassent ça. Pouvoir comparer. Mais c'est quoi le but? J'ai pas compris. Après, on fait quoi? C'est l'expérience sociale. Tu fais ta petite expérience et après, tu fais ton petit. Approche-toi du micro. Oui, enfin, en même temps, on s'en fout. Oui, mais on t'entend mieux. Pour la prochaine, on entend rien. Il est chiant. Pour la prochaine émission, vous faites votre petit bilan de ce que vous avez. On fait le bilan. Non, c'est pas ça. J'ai pas la ref. J'ai pas du tout la référence. Moi, je l'ai, mais je fais comme tout ça. Il calmement, c'est exactement ça, ouais. Je sais plus ce que c'est. Trop jeune pour ça. D'accord. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui sont les vrais regards, ouais, ça. Ouais. Enfin bref, du coup, vous vivez votre petite aventure avec Mehdi. Sociale, voilà, expérimentale, et puis vous faites votre bilan à la prochaine émission. Alors peut-être que vous aurez tous les deux un bilan totalement différent. Peut-être que toi, tu vas dire, j'ai trop kiffé, je me suis fait des potes, vu que j'avais plus mon téléphone avec moi, j'ai parlé aux gens. Et peut-être que Mehdi va dire, je me suis fait chier, je me suis perdu parce que j'avais plus de GPS. En vrai, pas de réseaux sociaux, moi je veux bien le faire. Je vais réfléchir à ça, un truc faisable. Mais Facebook, quand même, c'est quand même qui coupe du numérique. Quand même. Ouais, mais qui coupe du numérique. Oui. Ouais. Facebook, c'est faisable. C'est pour ça que je veux bien le faire. Oui, mais Facebook, c'est trop faisable. Tout le monde peut le faire. D'ailleurs, tout le monde l'a tous fait un jour de se couper pendant. Ah non, pas moi, non. Ah ouais. J'allais dire visiter un truc et puis faire une photo, mais du coup, c'est numérique en même temps. C'est genre, t'es obligé de visiter un musée ou un machin. Non, ça c'est faisable. Et de te prendre en photo pour vraiment dire, voilà, j'y étais. Pas un selfie, tu peux prendre une photo. Bah, si, quand même. Fais pendant 6 heures, toi, sans Facebook, vas-y. Oh, bah, j'en ai rien à foutre, moi. Hey. Moi, faut pas les couper. Je suis un ouf. Moi, je déglingue tout. Même ma mère. Ouh, ça dénonce. Ça dénonce. Non, pas les mamans. Ça tourne mal. Obama aussi. Hein. Ouais. La tienne. Ouais, si. Je suis bien d'accord. Non, mais je sais pas. Elle est cachée dans la chambre. Ouais. Bon, ok, bah, je vais réfléchir pour la prochaine émission. Quatrième partie. On va réfléchir, ouais. Non, il n'y a pas de question de partie. Ah, c'est fini là ? Ah, vas-y, on continue, c'est trop bien. Un nouveau débat. Que pensez-vous de. Du peuple. Du peuple. On parlera du rappeur ou... Est-ce qu'on parlera... La Corée du Nord ? Est-ce qu'on parlera du rappeur qui est venu ou pas ? On pourra, ouais. Attends, on aurait pu l'inviter, c'est putain. J'avoue, le rappeur qui est venu. Il y a un rappeur qui est venu. Dès que j'augmente un peu. Ah, Niska ? Papa, papa. Hôtel Dieu là ? Ah, putain, il connaît ! C'est Niska, oui, je connais. Ah, mais t'étais où tout à l'heure ? Alors, du coup, c'est quoi ? Ah, c'est pour l'enquête des parties. Ah, t'étais en train de faire caca. C'est ça. On était tous en train de se demander. On parlait de rap français pendant que tu faisais caca, c'est pour ça. C'est Niska. En fait, c'est moi qui sature. C'est quoi ? C'est des tablettes. Non, je sais pas qui c'est qui sature. Comme des tablettes de chocolat, Niska ? Ou alors, c'est parce qu'on parle sur des tablettes. Tout ça parce qu'il est noir, super sympa. Je pense que c'est juste. Et qu'il est musclé. Niska. Qui a pas compris la blague. Je connais pas. Tu connais pas Niska ? Très bien. Moi, je suis pas non plus à fond sur Niska. Je connais pas trop. Je connais un peu de nom. C'est un pote à toi, comme. C'est pas un pote à moi. C'est pas un pote à moi, mais j'ai pas d'anecdote dessus. Niska. Est-ce qu'on se terminerait pas un peu cette émission là ou autre chose. Je suis chiant. Ah non, oui. Oui, là, oui. Cette troisième partie normalement n'existe pas. C'est... Très bien. Mais non, tu veux faire des reportages. C'est du virtuel. À la base, ce que je voulais faire, c'était effectivement des petits reportages. Mais je vais pas pouvoir en faire 50 millions. Je pensais qu'on parlait des mecs qui faisaient. On pourra. Ah ouais, débat sur l'ASMR. En fait, ma troisième partie, je voulais faire un thème à chaque fois. Donc, d'accord. Je peux faire un thème sur l'ASMR, on explique aux gens ce que c'est. Toujours à thème ou ça peut être le Caire après ou Paris. Ouh, putain. Elle est légère chez nous, celle-là. Oh là, putain, oui. C'était forcé. Ouais. Elle te fait voyager, celle-là. Ouais. Ouais, donc je voulais faire des petits. J'ai vu la dépression dans les yeux de Max. Sauf que les thèmes, ils vont pas être. Donc toi, je t'inviterai pas quand je ferai le thème ASMR, je t'invite pas. Yes. Sûr. Oh, yes. Putain, mais ce sera toujours des défis comme ça parce que t'as pas peur qu'à chaque fois on se rende compte que personne le fasse et qu'on fasse rien. Mais justement, juste derrière, après il y a des balles, on justement, a discuté. C'est pour ça que, justement, comme je sais pas comment faire ni les reportages ni ce genre de petite expérience. À chaque fois, à chaque troisième partie, je ferai un truc totalement différent. Donc, un jour, ce sera ces expériences-là. Là. Si on en trouve qui veulent les faire, on la fera. Un autre jour, la table, elle va tomber. Une autre émission, ce sera un thème sur le Caire, par exemple. Tu t'en chargeras, Romain. Moi, j'ai des choses à dire sur le Caire. Hein. Sur le tramway. Exposé sur Gad Elmaleh. Voilà, sur le tramway, pour moi, ce sera assez simple. Ouais. Un petit choc. Toi, c'est une petite truc de 15 minutes. Ouais. Ce que j'aimerais bien à chaque fois, pourquoi il y a des trucs sans voyageurs. Par exemple, si je fais un. Bande de bâtards. Des fois, j'attends mon tram, sans voyageurs. Pendant du monde. Bande de bâtards. Ouais, certain. Si je fais un thème sur le tramway, par exemple, je pourrais éventuellement inviter un de mes chefs et puis vous pourrez poser les questions, on fera un petit truc vite fait. Mais du coup, bien à chaque fois avoir un invité qui est vraiment concerné, pas comme nous, sur le sujet, tiens. Mais comme du coup, la prochaine fois, on peut arriver avec un sujet, genre j'ai une idée, on pourrait parler de ça, genre débat, qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Non ? Bah, il faut mieux le travailler un petit peu avant. Mais oui, non, mais moi, par exemple, si c'est moi qui ai l'idée, moi je travaille et je dis qu'est-ce que vous en pensez. Ah oui, voilà. Alors j'ai une idée, vous voulez merder. Oui, à la base, c'est pour ça que voilà mon idée. C'est un concept. Hein. C'est pour ça que je voulais t'emprunter ton enregistreur parce que je m'imaginais déjà aller faire des petites interviews ou faire des petits sons. D'ailleurs, je l'ai ramené. Ah bah, du coup, on peut faire des. Ah bah, on recommence. Du coup, on peut pas interviewer les deux putes qui sont en bas ou pas? On pourrait faire un thème prostitution. Je pense qu'elles sont concernées. On ira en bas. Alors, il faudra qu'on y aille à plusieurs parce que si j'y vais tout seul, je vais me faire embarquer par. Mais tu penses qu'elles parleront français? Ouais. Elles vont faire un effort. Bon, à mon avis, ouais, Bon, tu quand même. Elles se connaissent de trois. À mon avis, les langues, elles s'y connaissent. Hein. Oh, allez, vas-y. Voilà. J'ai pas mon jingle poète. C'est là qu'il faut que tu prépares des jingles. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça qu'il faut que il fallait mettre le A. Putain, que ça sature à mort. Mais c'est bizarre parce qu'à chaque fois que tu dis ça, on ne parle pas. Non, c'est à chaque fois. En fait, non. Parlez. Alors, du coup, c'est à chaque fois qu'on a parlé tous en même temps. Ah oui, bah oui, c'est ça. Parce qu'il y a une mode saturation. Ouais, ça faudra faire. Ou alors que t'achètes une vraie table, je sais pas. Non, mais elle est bien parce qu'il y a les filles qui passent au milieu. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, mais il peut acheter une vraie table avec les filles qui passent au milieu. Ouais, tu sais, ouais. Y a que celle-là qui a un trou milieu. Alors vraiment, non. Je m'y connais en table. Vraiment, non. Moi, je m'y connais en trou. Oh, c'est Animal Crossing. Bon, les amis, cette fois-ci on y est. Je crois que c'est la fin. Oui. Animal Crossing. Voilà, c'était un joli débat. On n'a pas dit grand-chose. Ouais, voilà. J'ai envie de dire, il y a eu des bas, il y a eu des hauts. Il y a eu des hauts, c'est ça. Oh putain! Merci Romain. Je pense que t'as eu des. Tu diras ça à chaque fois. Pour bien qu'on comprenne. La prochaine fois que je te présente, je dirai direct merci Romain. Voilà. Je me suis approché. Je vous préviens juste, par contre, j'ai mis en boucle pendant 15 minutes la chanson. Elle était. Moi je suis prêt, hein, je suis là pour. Elle avait des boucles brunes. Elle avait 8 ans. Je l'ai embrassée. 15 minutes de Animal Crossing. Ouais. C'est une partie entière. Je me suis dit, slam dessus, Romain. Quoi ? Un petit slam dessus, Romain, pour se dire au revoir. J'ai hâte au prochain. Je suis un funambule. De la vie. Je reste calme, droit dans ma bulle. L'équilibre est une attitude, je suis un funambule. Putain, même pas de rime avec encul. Ah ouais, je suis carrément déçu. Ouais, c'est là où je me surprends. C'était pas de moi, je tiens à préciser. Oui, oui. Celui qui fait le plus, c'est pas Grand Corps Malade ? Tout effectivement. C'est pas le clown dans Toy Story 3 ? Non. C'est trop marrant cette musique. Ouais. On aurait dû mettre ça tout le long du podcast. Ça change tout. Hein. Je veux dire que je vous aime en tout cas, tous. Moi aussi. Sauf un. Oh, c'est tout ce qu'il sait. Hein. C'est qui Bon, allez, c'est terminé pour ce podcast. Salut. On a même pas envie de se dire au revoir. C'est trop triste. Non, moi, je suis sur internet. Hein, je suis connecté. Le mec, il est déjà parti. Il est déjà très très loin. Il va rater l'expérience sociale. Ouais. C'est bon, j'ai live tweeté le podcast. T'as live tweeté ? Ok. Podcast qui ne sera jamais diffusé, c'est ça que t'as entendu. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, je le monte demain. Ouais. Je vous le dis. Tu l'envoies en VHS. Ouais, ça, pour le coup, t'es vraiment pas obligé de le dire. Par contre, tu l'envoies en clé USB. Est-ce qu'on serait pas. Demain, tu m'appelles pour le kebab, on va. Tu l'envoies en clé USB par la poste ou pas ? J'ai pas internet pendant une semaine, donc. Ah, oui, c'est vrai. C'était un mois à la base. Putain, un an. Non. Un an. À la base, une vie. Un an. Une vie sans internet. Ça va. Tu me dis à la fin quand t'es mort. C'est pas mal, c'est un concept. Voilà. Et tu fais. T'envoies un message juste avant. C'était pas cool. C'était chiant. J'étais tout seul. Et après, on fait un podcast au paradis. Ah, c'est vachement bien cette musique, ça pendant 15 minutes. De la vie, quoi. Génial. Le podcast de la vie. Les graphismes, génial, le scénario, pas top. La vie des choses. La vie des choses. On se termine là-dessus, sur la vie des choses. La vie des choses. Appelle ce premier épisode La vie des choses. Cet épisode s'appellera La vie des choses. Je suis très ravi de. Allez, à bientôt tout le monde. Salut. Bisous. Salut. Bisous, je t'aime. J'ai éjaculé.